just to come on back home. You know the cabinet's all full, and the fireplace is stocked with coal. Well, I've been a wishing, Lord, I've been hoping, babe, a hundred times that you would come home, back home now. Check one. But it's so hard. When I ain't the one you've been thinking of. Well, I care, I'm in love. You heard I'm me? Not your second hand lover, baby. Loving is all gone. I said my heart is ready, but the time has shown up all wrong. We got a thing going on. We got a thing going on. We got a thing going on. Oh, honey, don't you know that we got it going on? C'était une belle nouveauté d'un duo qui s'appelle Tennessee Redemption et vous venez d'entendre We Got a Thing Going On. Eh bien, on va écouter un dernier titre de cet album, ça s'appelle Leave My Body. Battle plans and wars we fought. Just leave my body. gone. Leave the flag upside your pole in case I'm coming back. Leave me a compass and an old paper map in case I'm coming back. I'm not gone. Leave the culture we helped to create in case I'm not really gone. The buffalo, the redwoods, the whole estate in case I'm not really gone. Just leave my body. Kiss, I'm not gone. Just leave me a Bible, liberty, resort. Leave me the battle plans of wars we fought. Just leave my body in case I'm not gone. In case I'm not really gone. In case I'm not really gone. Yo yo yo, salut à tous, salut à toutes, vous êtes toujours avec nous, vous êtes sur le 107.0, vous êtes sur Radio Gamezo et on est ensemble ce soir, c'est l'émission de la rentrée, c'est la Big Antenne, avec votre équipe habituelle. J'ai nommé à ma droite notre ami Jérém, ici dans la place, il est chaud, et notre ami, notre ineffable, incommensurable et inratable, Drex, bien évidemment. AKA Anadrex ou Silex pour ceux qui le connaîtraient sous d'autres airs, ami Drex. Donc émission, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve tous, en tout cas chers auditeurs, chères auditrices. Émission donc de rentrée, c'est aujourd'hui émission de rentrée où on va avoir l'occasion de vous passer du son tranquillement, gentiment pour vos petites esgourdes sensibles et fragiles. Et c'est important, on est d'accord là-dessus. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Donc on vous a préparé une petite playlist assez sympathique, avec des choses qui nous inspirent, des choses que peut-être vous inspirent. Très travaillé en plus, on a bien travaillé sur le projet. En plus de ça, comme d'habitude, et on va avoir l'occasion de papioter, papoter, de discuter un peu, et de gras pendant 2 heures. Les ondes sont à nous, alors autant en profiter. Alors moi je propose éventuellement, si vous êtes d'accord les gars, une petite mise en bouche. Oui. On va commencer avec une petite mise en bouche des plus sympathiques. Alors, une petite mise en bouche, le temps de faire un petit ajustement. Miam, miam. Un petit réglage, ouais. Bah, c'est sans filet, hein, comme d'habitude. On va toujours commencer avec du stick. Stick directement, ouais. Ouais, ça va envoyer du lourd direct. Pour la rentrée, on envoie du lourd direct. Dernière maison sur la gauche. Ah, alors, ouais, notre ami Stick, rappeur toulousain de son état, notre ami Stick, lui, c'est l'école du white trash à la française, bien comme on aime. Stick, là, qui s'est imposé ces derniers temps, qu'on retrouve pas mal maintenant sur la toile, encore, certains diraient que c'est... Trop peu méconnu, mais bah, ma foi, c'est bien aussi de pouvoir se la raconter avec des trucs comme ça, que tu connais, que les gens connaissent pas. Non, si, mais un artiste, en tout cas, qu'on affectionne particulièrement, qui a des textes assez dark, assez noirs. Très dark, très belle valeur. Ça sent bon le white trash. Faut inviter les gens à écouter aussi. Ça sent un peu les traces de pisse, les ruelles morbides et l'enfance. Les ruines pas très joyeuses a priori quand on écoute ces textes. Un personnage assez sombre et qui s'impose maintenant, qui a un peu éclos maintenant sur internet, là où vous le voyez toujours coiffé de son sempiternel chapeau. Il arbore un look un peu particulier, bien à lui, et il reste dans un univers teinté de films d'horreur. Ouais, il fait bien un film d'horreur complet. Ouais, il y a beaucoup rien de références. Rien que le personnage et tout. Et justement, bah, quand on vous parle de films d'horreur, nous on l'a découvert, c'était sur. Bah, il était de toute façon dans Drugs Brigade, non ? Non, enfin, il a fait des trucs avec eux. Ouais, c'est des potes à lui. Ouais. Il a fait des trucs avec eux. Avec Altarba aussi notamment, voilà. Et quand on vous parlait, d'influence, grosse influence film d'horreur, celle-là, c'en est une. C'est une chanson qui vient d'un film de 72 de Wes Craven, que peut-être pour les aficionados de films d'horreur, certains connaissent. Le morceau s'appelle La dernière maison sur la gauche, en référence à ça. Et donc, s'il y a des cinéphiles, soyez attentif, il y a des références, c'est bourré de références, vraiment une belle écriture. Et juste après, quand on vous parlait, parce qu'on pourrait presque faire une émission cinéma sans transition, le morceau qui suit, lui aussi est un peu dans cette thématique. Là, c'est un featuring où on retrouve notre ami Stick avec notamment Inch et Altarba, donc sur un gros morceau. Le morceau s'appelle John Carpenter, en hommage au réalisateur du même nom, réalisateur américain à qui on doit Zélie, à qui on doit Invasion Los Angeles, à qui on doit beaucoup de classiques des années 80 et des années 90, Wes Craven. Et donc l'eau français de Toulouse rend hommage au grand réalisateur là, donc double hommage cinématographique avec donc un morceau hommage à Wes Craven et l'autre à John Carpenter, ses Stick et ses compagnons. C'est parti, vous êtes sur la Big Antenne, en avant la musique, bande de petits bâtards. En ce moment ça va vachement mieux. J'ai mis mon cerveau dans un mixeur avec de la vodka. Appelle ton avocat, je suis dans le cerceau de ta petite sœur. Les hipsters flippent, je suis Mr Freeze, l'ambiance est glaciale. La fée qui s'est penchée sur mon berceau s'est pris une faciale. Perso, je saigne du nez dès que j'entends vos morceaux. Je baiserais ma mère si j'étais le fils de Sophie Marceau. Je suis morceau, je me mets à taper sur du Sepultura. Je veux pas ton 07, je veux le 36-15 de cette pute là. Le but de ma vie c'est une hostile. Je suis imbuvable, j'ai pris un buvard, mais je croyais que c'était une hostile. Ah, j'ai des capacités, y'a des jeunes qui y'a les jeunes qui m'écoutent et peut-être par des jeunes qui. Je fais ma cible comme je l'entends. J'enfonce ma pute pleine de sang dans la gorge de John, je m'attends. J'ai pas le temps d'éjaculer que je l'ai déjà fumé. Ça t'amuse, c'est abusé, je suis annulé, désallumé. J'habite la dernière maison sur la gauche. Et j'ai un peu trop forcé sur la dose. J'habite la dernière maison sur la gauche. Et j'suis un peu trop porté sur la chose. J'habite la dernière maison sur la gauche. J'ai un peu trop tiré sur la corde. J'habite la dernière maison sur la gauche. J'aime un peu trop l'effet de mes sons sur ta gosse. J'suis déjà psycho, j'ai pas besoin de psychotrope. J'me demande si ma psychologue a le clito propre. J'dis des bêtises au micro quand soudain j'me dis que c'est mieux que tripoter des petits trisomiques comme mon grand cousin. J'emmerde le rap, j'veux la carrière de Johnny Hallyday. Compter mes milliards dans mon slibard Johnny abîmé. Entouré de belles chiennes, de jolis canidés. J'suis invité à danser avec les schlags vomis sur Alizé. J'suis alité sur un matelas au Roland Cyprine. J'ai pas le permis, j'arrive dans le game au volant de Christine. Cette année Halloween tombe vendredi 13. J'suis pas encore le numéro 1, j'ai plus qu'à attendre qu'il crève. J'me ferai sauter l'hypophyse si je désespère. Est-ce que je suis pédophile si je baise Esther? Je viens à ton concert, je braque la billetterie, j'ai loué la cabane des villes d'aide sur Airbnb. J'habite la dernière maison sur la gauche. Et j'ai un peu trop forcé sur la dose. J'habite la dernière maison sur la gauche. Et j'suis un peu trop porté sur la chose. J'habite la dernière maison sur la gauche. J'ai un peu trop tiré sur la corde. J'habite la dernière maison sur la gauche. J'aime un peu trop l'effet de mes sons sur ta gorge. Sexe et suicide, je vais faire un feat avec Mylène Farmer. Je dois être pédé, je viens de faire un feat d'un énième rappeur. Je sais que c'est stupide, mais je kiffe mes vilaines ardeurs. De toute façon tout le monde s'en tape de mes textes lucides. Puis je vais pas faire la même merde que tous ces connards de MC. Comparé à ces trimards, je suis un Léonard de Vinci. Ton string Léopard te minci. Mais tu restes quand même une grosse pute, déjà mort. J'écris ce truc à titre posthume et j'adore. Longue vie à moi et au poteau cramé, petit prince du morbide, autoproclamé, sordide. Mon âme vendue au 666. T'as retrouvé mon album dans la piole de ton fils pendu. En mixant du Slipknot et du Chuck Palahniuk, t'auras peut-être un aperçu d'où je veux en venir. Et la vie est une pute, elle me suce et je la tiens par la nuque. Avant de me rendre compte que ces vampires est là. J'habite la dernière maison sur la gauche. Et j'ai un peu trop forcé sur la dose. J'habite la dernière maison sur la gauche. Et j'suis un peu trop porté sur la chose. J'habite la dernière maison sur la gauche. J'ai un peu trop tiré sur la corde. J'habite la dernière maison sur la gauche. J'aime un peu trop l'effet de mes sons sur ta gauche. Dernière maison sur la gauche. Tu sais où me trouver, fils de pute. On s'en va aller. Stay, c'est comme. C'est le bref record. 1000 et quelques, 31 000 et quelques. Allez, allez, allez. J'espère avoir un destin peinard et un chez moi. Même les pieds devant, j'aurai le sourire aux lèvres. Je fais des bêtes de score à l'éthylotest. Ce qui m'efface, c'est pas la stratégie de l'échec. À force d'enjeu, tu deviens paraplégique des fesses. J'enchaîne les nuits blanches et les journées trop courtes. Mon cœur s'épuise à force de vouloir crier au secours. Putain, j'ai plus les yeux en face des trous. Je deviens un fantôme quand on me réclame des sous. Yeah. près de la porte carrée. On est aux oranges dans les afters de Lucifer et Aster. La pute de fille du pasteur, abusive vers Marie me mentionne. Vos délires me concernent, arme sale comme Marie Manson. Nos concerts de rap, autant faire le mal. Les autres mongols prient pour qu'on me damne. Quand je clame un nouveau désordre mondial, nom de diable. Mes cadavres écarlates de rap, pas se balade. Des balades, des chagas qui enlacent sa race. J'ai paniqué ta race, ma vanité t'agace. J'ai pas de fans, que des fanatiques. Crois-moi, ta croix de bon effraie pas mes versets sataniques. Il a des pubis, je ferai voir l'enfer. J't'en méfie, malade John Carpenter. J'suis la chose, la menace en Antarctique. J'suis le prince des ténèbres, ton miroir qui vient prendre ta vie. Il a des pubis, je ferai voir l'enfer. J't'en méfie, malade John Carpenter. J'suis la chose, la menace en Antarctique. J'suis le prince des ténèbres, ton miroir qui vient prendre ta vie. STIC Captain Spaulding, c'est le débile remake de Devil Reject, réalisé par Rob Zombinch. Ok, Malax nous burne jusqu'en page nocturne, petite pute. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours sur le 107.0. Les petits fragiles, vous êtes toujours avec Radio qu'il te... La Big Antenne. Qu'il te faut. Ah, s'il te plaît. La Big Antenne, soirée encore une fois, sans filet ce soir, rien que pour vous. La Big Antenne. Donc voilà, on vous a laissé ces messieurs dames en petite introduction de notre soirée consacrée encore une fois plus ou moins à une musique qu'on affectionne, à savoir plus ou moins on va dire le hip-hop, avec c'était un morceau. C'est pas du jazz. Ah, c'était du jazz manouche, mais avec influence quand même assez gypsy. C'est pour dire d'autres conneries, Jad Rex, hein, écoute. Tu peux sortir tout de suite. Ouais, tu peux sortir d'ores et déjà. Non, on vous a laissé là, donc, avec notre ami Stick, MC de son état. Il avait fait d'ailleurs un album quand il parlait de un MC de moins. Non, son album, c'est quelques MC de plus. Pas MC de moins, oui. C'est quelques MC de plus, effectivement. Et ça, c'est un titre, quelques MC de moins. Oui, exactement. Ouais. Donc, qui nous avait gratifié de ça. De l'album aussi, par la suite, il y a eu Glossolalie. Non, Triceratox. Triceratox. Volume 1. Après, il y a eu Glossolalie et Triceratox volume 2. Ouais. Et, là, bah, de toute façon, il est toujours actif, hein, ce mec. Et voilà. On voulait vous mettre un morceau qui parlait de violence fait conjugale, plus ou moins, ouais, de féminicide, de viol, etc. Où il se met dans la peau d'un souci technique indépendant de notre volonté. On vous le passera l'année mois prochain. dans 10 ans. On vous passera dans 10 ans. Non, on en reparlera le mois prochain, de toute façon. Oui. De ce morceau-là, on aura l'occasion. On a le temps. Quand on sera peut-être un peu plus organisé, éventuellement. Voilà. N'est-ce pas, Damien ? Les choses étant ce qu'elles sont et non pas tout le mieux le fuste. Ma fourche a du languer. Voici un orthophoniste qui pourrait venir nous prêter assistance ici à Radio Gamozo, ce serait pas mal. Non, messieurs, quand même, écoutez, au bout d'un moment. Parlons sérieusement. On va mettre de la. On rentabilise les jingles. On est là pour écouter de la musique, mais on est là pour parler de musique aussi. On fait un petit coup de pub, Drex. T'as une actualité, toi, avec ton groupe de merde, là, le fond du crew. Ah ouais. Fond de la cuve. Il y a un mec qui te ressemble beaucoup. En plus ouais, de loin, avec le vent dans le dos, apparemment, ouais. En fin d'après-midi, avec une lumière couchante. Ouais. Effectivement, on fait un coup de pub. On fait un coup de pub puisque donc le fond du crew est notre ami Smoka, Mike Smoka, avec probablement le pote Ted, seront présents ce samedi soir à Cornimont au bar du Pego. On va retourner le bar de Cornimont, ambiance Bagdad, 100% local, ambiance locale, en flamme, des flammes, orbite vide, ça va tirer à vue, orbite vide, ça va tirer à vue, ça sera proprement très sale. Donc on vous fait de la pub, c'est gratos en plus d'ailleurs de ça. Donc n'hésitez pas à venir ce samedi soir à partir de 20h à peu près pour l'apéritif. Ah, ça va chier. Pour un concert donc de Smoka et du fond du crew. Voilà, on a fait un peu de pub, voilà, c'est important et on va enchaîner directement la suite sans faire de pause dans tous les sens et non plus. C'était pas une pause. Voilà. Et on va vous mettre, Drex, tu nous avais concocté, toi, enfin tu nous avais sélectionné une piste d'un rappeur américain, c'est ça, tu voulais nous mettre du... C'est deux rappeurs en fait, de East Coast, Underachievers, c'est des... ils traînent vachement genre avec tout ce qui est Flatbush Zombies, Joey Badass. Pour tous ceux qui connaissent un donc peu. Donc, originaire 100% en fait. New York, ouais, ouais, de originaire du quartier de Flatbush, comme le fameux Flatbush Zombie aussi, un quartier de Brooklyn, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, voilà, un son bien ricain comme on très, aime. Très lourd, très très psyché. Bien psyché comme on aime. Et juste après, tu voulais nous mettre, toi, mon petit Drex, après ça, on t'a proposé peut-être, ou Victor Vaughn. Ah ouais, carrément. Un petit Victor Vaughn, tu peux nous en parler un peu de Victor Vaughn alors ? C'est toi qui m'as fait découvrir Vaughn, ça, en fait, ouais. Je connais pas exceptionnellement bien non plus, c'est juste que je connais par contre MF Doom, c'est le beatmaker qui est, ah ouais, qui est très très connu. Le mec ouais. qui fait les instrus de ce gars-là, que je trouve vraiment, il fait des trucs formidables. Et pareil, c'est un peu même ambiance psychédélique, du coup, ça, je pense que ça collera bien. Ouais, ouais, donc ouais, effectivement, bah, même comme Underachievers, ouais, c'est ce qu'on appelle quand même, ce qu'on pourrait dire, hein, plus ou moins du rap de perché. Ça, beaucoup, ouais, de références, beaucoup de références aux hallucinogènes, aux psychotropes, aux ça, LSD. Ouais, et puis aussi même, genre, et puis, un à peu la spiritualité. À la spiritualité, d'après ce que, ouais, d'après un peu ce qu'ils dégagent dans leur image et peut-être dans leur texte, j'ai pas étudié non plus leur ouais, texte, ouais, mais... Mais ça change un peu ça change quand même de l'idée qu'on se fait du rap East Coast de New York où ouais, ça sent bien le ghetto. Coast, là, c'est. La East Coast, ils sont vachement dans des délires comme ça maintenant. Ouais, ouais. Très acide. Ouais, voilà, des délires assez acides, comme tu dis. Des désirs assez acides et donc qu'on retrouve à la fois dans leur imagerie et dans leur musique. Donc, on va vous laisser donc ces messieurs dames avec un morceau de Underachievers avec le morceau Allusion et un autre morceau donc de Victor Vaughn avec le morceau Doppelskinner. Du méga lourd. Du très très lourd, bien évidemment, puisque vous êtes sur le 107.0, c'est le son qu'il vous faut, tout simplement. Restez connectés avec nous sur le 107.0, on revient juste après ça, ladies and gentlemen. Blue. Pour la fenêtre, non ? Ouvrez la fenêtre. Oui, pour la fenêtre, ouais. Merci. Young nigga, but my heart is timeless. No price on my soul, shit filled up a gold. Motherfucker, you know that's priceless. 2 grand ain't enough, nigga, keep your blunt. Won't smoke it, the shit ain't the finest. Niggas talk about what they got. When you check on these niggas, motherfuckers be lying. Bow down to the motherfucking highness. Fire start hibachi, nigga. OG like Hiachi. Whoa. Break up your whole posse. Y'all niggas moving too sloppy. Flow. Hitting like I'm Rocky. Independent, you can't drop me. No. These coasts be my army. If I tell them shoot, they got me. Go. Raised in the belly of the beast. Born in a war, but my heart with the peace. Raising up gods every time that I speak. When we all get involved, ain't no starving to eat. Making sure all of my niggas gon' feast. Y'all on the scene while we chasing the cream. Roll up the leaves, nigga, spark at the tree. You ain't got no weed, nigga, fuck you mean. Nigga, fuck you mean. My oracle went to the oracle. I'm the illest motherfucker, incurable. I went through all the bull about a toilet fool. Royal flush, I want all the loot, man. This how I be clutch like Kobe do. And I'm living in LA, so that's only proof. Got a bitch in the bay that love the strooms. She be screaming AK when I shove the broom. It's a mismatch, can't hold us. Better get back, you ain't no soldier. Fuck your sister, guess what she told us. You a bitch ass nigga since strollers. Now hold up, smoking good. Pronto wrapped around the OG in my hood. It's understood. If AK be winning, then you know you could. Psych. Can't kill my vibe, I'm on a everlasting high. Want peace of mind and peace of pie. If it's not both, then take my life. I'm blowing smoke until I die. High as heaven, watch me fly. Look within, you probably find a place. Go home, boy, live your life. Fuck up my cash flow. Fuck it, let's waste it. We advanced, though, we bring your fans. No, y'all niggas basic. Smoking hash bowls, we lit like candles. Niggas, they faded. You and your man jokes, we with your damn hoes. Them bitches waste. I'm blowing gas, smoke. Fuck up my cash flow. Fuck it, let's waste it. We advanced, though, we bring your fans. No, y'all niggas basic. Smoking hash bowls, we lit like candles. Niggas, they faded. You and your man jokes, we with your damn hoes. Them bitches waste. Pay pesos. I'm counting pesos and smoking fuego. Save hoes, you niggas save hoes. Nah, that's a no-go. Photo, she sneaking photo. She think she low-do. So go, she think my soul go. Think we should hang. I'm smoking mad though. She sniffing mad glow. I'm like you bad ho. Fast forward, she took her pants off. Yeah, she like assholes. Gang coach, be counting mad though. With no advance though. My cash flow, fuck up a dance show. Then take a fan home. Fuego, fuego, fuego. Smoking fuego with your dame. Been like a whole 20 minutes. Can't front, nigga, still don't know her name. 30 minutes later, had my pinky in her brain. She like, I thought you was different. All of you rappers just the same. She ain't complain. Inside of your bitch, right in the bunk, ain't no need for no crib. Light up the skunk and proceed to go in like a nitrogen pump, tap and speed up like in. Print this new shit, make your speaker blow. Puffin' Khalifa Joe, make it go tippy toe in. She in low, then she go telling her friends. Now she hitting my line, cause the Lord is on tour yet again. Wait for a nigga to start winning. First they love you, then they hating, they tasting the salt. 50 you niggas is soft, krillin', all the knowledge ain't hitting, just open the vault. No debate, it's shake dope and healing. Clear the road, no trailing. Never sober staring, get run over near me. Dropping cold shit, yelling. Flow severely, I know you feel me. Miles around to hear Vic Rocket. He learned a few new styles since a 2-year-old pickpocket. Clut owl, sad house, sickening. Now get retarded like mad cow kicking in. Yick, Chris wasn't tricking. And what's in the stew if the flu is in the chicken? We all got our vices. Some got the ball to call the shots off the dices. And that's Vic, bring slaughter to your section. Have your SMC get an order of protection. His name rings bell, said Jake. He sings well, even with this King Hell headache. Hit him with an anvil to trigger a scandal. If not just to get free press off the nigga channel. He only plays for high prices and raises his hourly rate based on how nice he There's is. There's a lot of I murder you raps for lame ass guys out of nowhere, corny asses. I never heard of you cats. Guys like you mess up a lot of tracks. Ask your neighborhood about me while you rapping, act tough and crispy. Urinate on your jacket, leave you pissy. Star jockeys, get your autograph or miss it. Defecate on your best line, spit 3 verses in the cup and get busy. A whack ass coming this way must be cross-eyed and dizzy. You don't listen enough, see me pissing enough. Leave your yellow spots around your bed area. Defecate around your head area. Precise where I meet that ass and greet that ass. LeBray and what? Defecate on your apartment on Ponceria. Ça marche bien. Bah, c'est comme ça que ça se passe. Bah, évidemment que c'est comme ça que ça se passe sur le 107.0. Bah, évidemment, la bigantaine. la big antenne. Oh, oh, oh. Le son qu'il te faut, le son qui t'entraîne, bien évidemment. Sbrek. Special combination, mon gars. Eh ben ouais, donc on vient de vous laisser, les messieurs, dames. On a fait un petit arrière-retour back to the US. Back to New York. On a des relents gastriques, des efflux gastriques. De la bouche. Assez marqué. Ouais. Prête-nous ta voix. Non, je. Close the window. I just mean close the fucking window. I know, right now. And don't poo on my balls. Right motherfucking now, bitch. Don't poo on my balls. Just like this. All right. Now that's enough. So, on vous a dit donc. Moi, c'est de l'américain. Moi, je parle pas anglais. Moi, je parle que américain. Hein, tu sauras. on vient de vous laisser donc avec The Underachievers. Ça se dit comme ça. Avec le morceau, c'était comment, Drex? Le morceau ça, Allusion. Ça, c'était Allusion. Just Allusion. Ouais. Et suivi juste après par Victor Vaughn avec le morceau donc Dopper's Killer. Et on peut préciser qu'il était en feat avec Cool Case. Autant pour nous. Ah, exactement, ouais. Exactement, c'est important de le préciser. Donc, Cool Case était un rappeur important aussi, je crois. Oui. Que tu pourrais, si tu avais bossé un peu, que tu pourrais présenter. Mais le problème étant que... Il est venu chez Tonton Jérém. Ben voilà, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Alors... juste après, moi, écoutez, j'avais envie de vous mettre un peu. C'est Sylvain qui est un copain qui nous a fait découvrir ça. Des trucs un peu, vous savez, le rap un peu que certains n'apprécient pas forcément. Le genre un peu rap alternatif, rap contestataire. Il y en a qui iraient jusqu'à taxer ça de rap de gilet jaune. Ouais. Chacun voit midi à sa porte. Rap chacun... de rond-point. Oui, c'est du rap de rond-point un peu. C'est du rap de rond-point, mais moi j'aime bien. Et de toute façon, c'est nous qui faisons la musique, hein, de toute façon. Donc, je vais vous faire un petit. Ouais, j'ai des reflux gastriques, c'est affreux. Super Gaviscon, où es-tu? Où es-tu, Gaviscon? On a besoin de toi. Marcus, où es-tu? On a besoin de toi aussi. Alors, moi, je vais vous faire un triptyque, parce qu'on parle bien. On est sur la big antenne, on utilise les pour termes adéquats. On va faire un triptyque. Alors, c'est des morceaux, c'est des purs produits d'Internet. C'est des purs produits d'Internet, des morceaux, des groupes qui sont un peu fait découvrir sur YouTube notamment. Qui se sont fait un peu découvrir sur YouTube notamment. Et on va commencer avec un morceau d'un groupe qui s'appelle Brava, les Braves, avec un morceau qui est assez sympathique, qui s'appelle Gaïa Akbar. C'est des éco-terroristes. Oui, bah, ils appellent à faire un djihad vert, plus ou moins. C'est un morceau qui a été fait à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, oui, c'est un rap de ZAD. Voilà, qui se rattache plus à cette mouvance-là. C'est du son zadiste. C'est des zones de droit à défendre. Et donc, un morceau donc de ce groupe qui s'appelle Brava, avec le morceau Gaïa Akbar. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, rapport à Al Akbar, sauf que là c'est Gaïa. C'est du terrorisme vert écolo. C'est du terrorisme vert, hein, voilà. Donc c'est assez bien trouvé, le jeu de mots est assez marrant, moi je trouve. Et juste après, moi je voulais vous mettre carrément, on va rester dans la thématique, un groupe qui nous vient de Rennes. Plutôt drum and bass quand même, hip hop drum and bass quand même, mais dans la tradition de l'école rennaise, on a eu Ex Machina, on a eu La Phase, et un peu dans cette tradition de l'école rennaise, la drum and bass, on a l'Unité Momo aussi. Ouais, c'est cool, ça. Ils avaient eu l'occasion de venir jouer en concert dans les coins, c'était au Tio il y a quelques années. Et alors là, c'est pareil, on retrouvait mets des pas surtout, les gars. Mets des pas. Ah bah non, laissez-moi galérer, je cherche un mot, mais les mots me manquent. Un collectif. Voilà. Un crew, voilà. Un collectif, voilà. C'est plus influencé drum and bass. Et là, le morceau, il s'appelle simplement Assez. Qui parle pas de lui-même, vous allez voir, on a des lyrics assez percutantes. Mais ça fait quelques années qu'ils l'ont sorti déjà. Ah oui, c'est vieux. Ah bah attention, je dis pas que c'est la nouveauté. Attention. Non, tu sais, nous on se branle les couilles alors. C'est dans les les vieux pots qu'on fait les murs. On va pas aller chercher, on va pas commencer à aller chercher les nouveautés. Hein. On ramène déjà de la musique, c'est déjà pas mal. Hein, faut pas décoller. Hein. Et puis, bah pour rester, comme on disait, dans la tradition, entre guillemets, dans le style de style de l'école rennaise, un morceau d'un groupe dont on vous parlait juste avant, Ex Machina, qui nous viennent eux aussi de Rennes. Et alors là, moi, personnellement, je sais que quand je les ai vus, Ex Machina, c'était un de mes. Enfin, visuellement, un très très gros concert. Visuellement, on est un peu dans du délire. Plus dans l'autre scène, mais dans une scène, un mouvance plus punk, mais un show digne de Punisher Self ou de Banane Metallic. Je me rappelle de eux en concert avec un morceau avec une partie beatbox dans un masque à gaz très très classe. Donc c'est un groupe qui a un très lourd visuel, qui a un visuel très présent sur scène. C'est un groupe de live, mais qui arrive aussi à faire des morceaux très sympas, comme vous allez le voir. Un groupe qui s'écoute et qui se voit, et c'est vrai que c'est appréciable aussi d'avoir des groupes comme ça qui se démènent sur scène. Ça fait chaud au cœur. Donc voilà, en fait, voilà, c'est un peu le triptyque qu'on va vous mettre juste après ça. Un triptyque donc avec nos copains à gros cheveux qui sont dans leur ZAD et qu'on encourage particulièrement, donc le groupe Brava, suivi juste après, messieurs dames, avec le morceau donc Gaia Akbar, suivi juste après, on vous disait, par Unité Mau Mau et Mau Mau, et ensuite Ex Machina. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ces paroles. D'aucuns pourraient qualifier ça peut-être d'appel à l'émeute, mais en tout cas on retrouve des thématiques qui parlent et peut-être qu'ils peuvent parfois manquer dans le hip-hop à l'heure actuelle. Complètement. Des revendications. Complètement. On est à des années-lumière et des années-lumière de ce qui peut se faire dans le rap, entre guillemets, qui marche sur les ondes, en tout cas. On va se faire censurer, Damien. On va se faire censurer, oui. On va se faire censurer. De subventions. De quoi ? Ah, il y en a déjà presque plus. Donc, toujours rigoler. On va vous mettre ça dans les oreilles, messieurs, dames. Vous restez avec nous. Vous restez connectés sur le 107.0, puisque... vous l'aurez compris, c'est la fréquence qu'il vous faut. Et on revient tout de suite après cette interlude musicale. Here we go again, motherfucker. Et ce qui me navre, moi, c'est qu'on organise aujourd'hui, je pense notamment à ces jeunes qui peuvent avoir un idéal, et tout le monde en a, on en a eu aussi quand on était jeunes, je ne voudrais pas que ces actions se transforment demain en une forme de djihadisme vert. On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent. On fera face aux violences policières anti-autoritaires. On a choisi d'être solidaires. La politique c'est cette maudite logique de profit mortifère. D'ordinaire, humain si en terre. Selon les pronostics, nos grosses villes ont 4 jours d'autonomie alimentaire réalisée. On est dépendant du pétrole. Si les ressources s'écroulent, elles s'écrouleront avec l'humanité. À moins qu'on pense à relocaliser, à jardiner nos qualités, à se radicaliser. Admirer le capital, pour lui c'est un festin. Il investit dans le béton qui ne fait qu'infester les terres et qui s'étend largement. Ainsi tous les 7 ans l'équivalent d'un département disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des centres parcs et des aéroports. Mais un espoir est né. Autour des marécages, levons les barricades. Et que l'état dégage, car la ZAD vivra. Ces sales paf parlent de djihadisme vert. On dilapide vos machines de guerre, Kaya Wakba. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Je lâche un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages. À la faune et à la flore de nos vies, que c'est parigage. Résistance et sabotage, des maquis au bocage. Vos belles cages de béton nous tiennent toujours en otage. Moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse. Je ne respire plus que vos excès, citadins de masse. À la place de vos parcs éco-responsables que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable. Nature sauvage, irrégulière, irrégulable. Loin de la croissance verte et de votre développement durable. C'est du rap décroissant, un hymne pour la jungle. Pour les frères du testé et pour les frères d'Agen. Kaya Wakbar, c'est clair et sans concession. C'est sur le bûcher qu'on réglera tous nos contentieux. Précis et consciencieux, le système met la pression. Normal que toutes les actes soient si précieux. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kaya Wakba, hors des sondes et des radars. en transition car votre monde est un cadavre. Sous le poids du ciment, on atteint la rage de raison. Nos vies asphyxiées sous une plaque de béton. Éclairés au néon, nos rêves ont l'air sales. Quand on ne les trouve pas dans les rayons d'un centre commercial. Leur ciel abrite un système violent. Et leur kérosène carbonise mon cerf-volant. Valeur de la République ou intérêt privé. Vu qu'ils ne font que réprimer au nom de l'intérêt public. Les dernières pelouses sont entre des poteaux de foot. Le monde entier comme une immense aire d'autoroute. Coûte que coûte, anticapitaliste et décroissant. Vent le vent et bien rien. Bandit à démocratie, démocrateux dans leur bouche réactionnaire. Affame les campagnes, engraisse les actionnaires. La tonnerre, comme un retour à la réalité. Gaïa Wakbar, le meilleur peut encore arriver. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Gaïa Wakbar, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Gaïa Wakbar, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Sous aujourd'hui dans le monde ont un patrimoine supérieur ou très supérieur à 30 millions de dollars et le montant total de leur richesse, 13 000 milliards de dollars. Près d'un être humain sur 6 ne mange pas à sa faim dans le monde. Un drame qui gagne du terrain chaque jour. 925 millions de personnes sont sous-alimentées. Elles sont 75 millions de plus que l'an dernier. 1 700 milliards de dollars de... d'euros libérés en 3h30 le 12 octobre à l'Élysée pour sauver les banques, alors qu'avec 31 milliards de dollars sur 5 ans, on pourrait éradiquer la faim. Imagine que ton empire perde de l'essence. Imagine que tu prends la famille. Imagine que tu prends la famille. Imagine que tu prends la famille. bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine, la bigantaine. Eh bien oui, messieurs dames, c'était la bigantaine. Et c'est la bigantaine. Mais c'est toujours la bigantaine. Ah oui, mais il est toujours l'heure de la bigantaine. Oh la chance. Encore la bigantaine. Oh mais c'est chouette si c'est de la bigantaine, mais formidable, allons-y pour la bigantaine. Allons-y pour la bigantaine. Alors on vient donc, messieurs dames, de vous laisser. On espère que vous vous êtes un peu enragés derrière votre poste de radio. Si vous nous écoutez peut-être depuis Flel-Lazons, la maison d'arrêt, depuis le QHS, depuis une cellule de garde à vue... Peut-être au bout du monde, peut-être vous nous écoutez dans votre voiture en train tranquillement de faire un go-fast pour revenir de Meuda, main sur la quête plat. ou, bref, on espère qu'il y a des scarlats qui nous écoutent. Et donc, on vous a mis donc à l'appel et à la suite, messieurs, dames. C'était un morceau de nos amis Brava avec le titre Gaïa Akbar. Je dis bien. Ah, tu le fais bien. Je le fais bien, hein, c'est guttural. Gaïa Akbar, suivi par nos amis Unité Momo avec le morceau Assez, assez de temps, assez, on en a assez. Et enfin, c'était juste après pour conclure, c'était Ex Machina avec le titre. Merde, je sais même plus c'était quoi le titre d'ailleurs. quand on n'a pas de mémoire, hein, quand on n'a pas de mémoire, avec le titre Imagine, ou Imagine, comme diraient nos amis anglais. John Lennon. John Lennon, Imagine on the Beatles. The People. The Beatles. On va vous parler, messieurs, dames, maintenant d'un artiste qu'on affectionne quand même, on peut le dire. Enfin, moi, pour ma part, ça ne me dérange pas. Il ne me dérange pas. Bah, sinon, on n'en mettrait pas d'ailleurs, peut-être. Hein. Je pense que. Fou. Hippocampe Fou, un ami, donc un rappeur aquatique. Exactement. Rappeur. Aquatique, rappeur perché de son état. D'après les dires, fils d'un. D'après nos sources, fils d'un musicien colombien, d'un guitariste colombien qui a grandi dans la musique dès son plus jeune âge. Et grandi à la fois avec des influences hip-hop, que ce soit US ou française, bien 90, et aussi avec une écriture qui se rapproche plus des classiques de la chanson française. On pourra penser à Brel, à Brassens, mais... Brel est belge, mais il est francophone. De la chanson française, francophone, quoi. Oui, francophone. Oui. Et certains iraient même jusqu'à le comparer plus dans son univers, et c'est assez judicieux, moi je trouve, la comparaison avec Bobby Lapointe. Avec Bobby Lapointe, et vous allez voir tant sa fluidité d'exécution, tant son écriture est dynamique, magique. Voilà, il a un débit de parole qui est assez conséquent, et c'est vrai qu'on pourrait penser à Bobby Lapointe, 70 ans plus tard, 70-80 ans plus tard, notre ami Bobby Lapointe, qui a illustré à merveille les joies de la langue française, qui a mis en lumière, en couleur, mieux que personne, ces figures rhétoriques. Eh bien, notre ami Hippocampe Fou, donc, qui s'inspire notamment de la plume de notre ami donc Bobby Lapointe. Et donc, il a commencé, lui, au sein du groupe La Secte Phonétique. Il faisait déjà des trucs avant, et ça, c'est venu après, mais... Découvrir vraiment, on va dire, au sein et de... Ça a un peu explosé au niveau là. Ouais. Voilà, ouais, ouais. Et a priori, maintenant, il serait parti habiter à New York, hein, d'après ce qu'il dit dans un des derniers sons qui met, il serait parti, effectivement, habiter à New York. Mais c'est pas le morceau-là qu'on avait choisi de vous mettre. On va vous passer donc deux morceaux qui sont bien réalisés. Bah, comme on vous disait, c'est encore, entre guillemets, des produits d'Internet. Un morceau ne va pas sans son clip, hein, bien évidemment, aujourd'hui, hélas. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Là n'est pas le sujet. Mais voilà, en tout cas, voilà, avec un morceau qui s'appelle Chasse aux sorcières, avec un clip assez sympathique aussi, qu'on vous invite à aller consulter sur la fameuse plateforme de streaming vidéo en ligne au Triangle Rouge que tout le monde connaît. Et ensuite, on vous met avec un autre morceau, toujours de notre ami Hippocampe Rouge, qui s'appelle, quant à lui, Underground. Ça va, je le dis bien? Underground, où vous allez voir, il a une rapidité d'exécution où il déballe du texte pendant 3 minutes 30 sans débander, c'est assez impressionnant. Donc voilà, on va vous laisser avec ce drôle d'oiseau aquatique, ce drôle de canasson aquatique, c'est Hippocampe Fou, messieurs dames. On vous laisse avec lui, on revient dans quelques instants, vous êtes toujours avec nous sur le 107.0 car c'est le son et la radio qu'il vous faut. C'est parti. Pour les manger. En particulier les nourrissons. Oh, quelle horreur! En plus, Elle a voulu être attirée que par les rats. Silence. Prenez place. Nous vous accusons de pratiquer de sombres ablutions, de laisser cours à vos pulsions les plus démoniaques, de danser nu sous l'orage. Mais voici venu le temps des punitions, comme l'a prédit l'oracle. Vous n'êtes qu'une sorcière, une tortionnaire hors pair, noire et le sang qui coule dans vos artères. Nous allons vous étriper, crever vos yeux, purifier votre âme par le feu. Amen. Insultez-moi à outrance si cela vous chante. Je ne crains pas la souffrance, mais ne m'inculpez pas. Ce serait fâcheux pour ces filles et leurs prétendants. Qui d'autre que moi pourrait s'occuper de leurs descendants? Si vous me jetez au bûcher, qui aidera ces filles à avorter? Qui va adopter les enfants mal formés, abandonnés? Sachez que la compassion trône sous mon toit de chaume, mais que sous les eaux, il n'y a ni fantôme ni gnome. Cessez de faire de l'esbrouf, votre baratin ne me touchera point. Votre amour pour le malin vous étouffe, et chaque matin, main dans la main, vous chantez au bord du gouffre, dans une odeur de soufre. Je vous guérirai, délivré, vous me chérirez, je rirai. Quittons cette tour et l'échiquier, il y fait si frais. Fuyons sans tarder cette horde de manants, allons forniquer dans l'affreuse grotte de Satan. Vous ne décelez en moi que de la noirceur. Ne voyez-vous donc pas que je suis votre âme sœur? Taisez-vous, levez-vous, vous l'inspirez que le dégoût. Il n'y a que pour Dieu que je me dévoue. À ce propos, n'est-ce point triste que de mourir, puceau? N'est-ce point sorcellerie que de marcher sur l'eau? Blasphème, créature malsaine, c'est dans les flammes qu'aura lieu votre baptême. Carpe diem, je profite de l'instant présent. Ceci dit, votre enfer ressemble au soleil incandescent. Comment osez-vous prononcer de telles abjections? Dois-je en déduire que ma clairvoyance est perçue comme une agression? Vous êtes possédé. J'ai le goût du risque. Vous êtes obsédé par l'amour du Christ. Qu'on la fasse faire, qu'on la torture, qu'on la brûle ensuite. La lumière ne jaillira jamais de l'obscurantisme. Ma femme, c'est ma muse, c'est mon roi. Ça fait plus de 10 ans qu'on vit sous le même toit. Elle m'a avoué hier soir qu'elle ne croyait plus en moi. Ça m'a laissé sans voix. Chez nous, c'est elle qui porte la culotte en dentelle. Elle ne court pas après l'argent, elle est certaine de mon talent, mais a l'impression que je me démène pour ne récolter que des applaudissements. Quelques j'aime et un succès confidentiel. La faute à qui? À moi, plein d'apathie qui me repose sur mes acquis, observant le monde via un écran comme si j'étais banni. Moi qui mise petit, qui ai perdu mon appétit à ma voix de baryton lambda sortie d'une abbaye, aux maisons disques trop frileuses en quête de tubes de l'été, au grand public peu curieux qui veut qu'on lui donne la béquille, aux médias qui s'épient les uns les autres sans se mouiller, désignant les élus à leurs apôtres bien dressés. Peu importe, loin de ces chemins balisés, j'ai plongé dans des mers agitées. En écoutant mon cœur palpiter, il s'est arrêté. Il a fallu que l'on m'enterre pour me ranimer. Je renais plein de rêves et de rage, je pourrais arrêter le rap, mais c'est un art honorable, une sorte de drogue qui crame et crève le crâne, fait pleurer les braves. Je ne fais qu'explorer mes failles sans trêve, très peu le savent. Je camberge jour et nuit pour trouver des thèmes insolites, des axes inédits. J'ai déjà la chance de ne pas être incompris. De plus en plus de gens me trouvent brillant, pourtant je m'assombris. La prospérité ne fera pas de moi un artiste accompli. J'écris pour me rafistoler, pas pour les sous, je suis devenu fou. À force d'enregistrer dans des cellules capitonnées, mais je suis quand même habilité à piloter une foule. Apte à frissonner, c'est cool, je peux pas l'ignorer. Comme un mec bourré dans un musée, je fais tomber des nus. Perdu dans mon imaginaire, je me dis que je n'ai rien vécu. Quand je balance un clip, j'attends le buzz et je suis tout le temps déçu. Tandis qu'aveuglés par leur ambition, d'autres achètent des vues. Autant dire qu'ils n'ont aucun mérite, aucune éthique. Je reste intègre et ce depuis la secte phonétique. L'écriture a des vertus introspectives, l'acte est solitaire mais la réflexion collective. J'essaie de me renouveler sans renier mes principes. Je refuse de quémander un feat, tout miser sur un beat ou un clip impudique. copier des gimmicks, des gestuels ou des mimiques, tout en me vantant d'être unique. Ouais, y'a tant d'artistes dont j'admire le travail fantastique. Ceux qui les imitent sont inodores comme des fleurs en plastique. Avec leur voix robotisée, ils se la jouent cantatrice. Je préfère écouter chouiner mon fils qui fait de grands caprices. Comme un chimiste, j'ai le sens de la formule. Si t'as l'esprit étriqué, t'as qu'à augmenter le volume. Puisque Mozart a fini dans la fosse commune, j'suis quasi convaincu que ma renommée sera posthume. Je ne vous demande pas de vous apitoyer sur mon sort, même si ma carrière tangue, j'vous amènerai à bon port. Et tant pis si ce soir, j'touche un cachet dérisoire. Merci d'écouter mes petites histoires, merci d'y croire. Je sais pas qui t'a fait ce jingle, mais franchement, il est c'est génial. Monstrueux comme jingle. Presque ouais. Aussi monstrueux que les sons qu'on vient de mettre. Là. T'as dû payer super cher. Super cher. Franchement, pour 850€, le mec qui te fait des jingles, ça va, c'est honnête encore. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Qu'il a jamais de thunes. Ouais, ouais, c'est pour ça aussi, il est sympa, mais pas. Enfin, ouais. Peut-être trop sympa, peut-être. Donc en tout cas, voilà, on va vous laisser, messieurs, dames, avec notre ami Hippocampfu. Ouais, deux morceaux de Hippocampfu qu'on vous conseille d'écouter. Moi, c'est un mec, personnellement, je donne mon avis, hein, on est là pour ça, on a le droit. Hein. Non, moi, j'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup son écriture à ce mec-là. Et c'est vrai que c'est rythmé, assez mélancolique. Super bon. Mais ouais, très très bon. Et il a quand même une forme de poésie et désabusée, ouais. Hein, peut-être assez cynique, il même on flotte pourrait sur dire, la prod, il flotte sur la prod. Il a bien raison de se considérer comme un rappeur aquatique parce que c'est totalement ce qu'il est. Ouais, ouais, oui, mais voilà, et c'est vrai que quand on parlait de quand on le comparait à Boris Vian, et effectivement c'est quand même, quand tu arrives à te faire comparer à Boris Vian, c'est quand même que tu as un pied dans le game, quoi. Déjà, c'est que exactement. Donc voilà, Hippocampfu de la secte phonétique, un artiste plein de ressources, plein de talents, pas non plus pas très connu, hein, assez, non, c'est pas, c'est assez pas, confidentiel. Hein. Non, ça pas. Voilà, on vous parle comme pas de. Chat. Exactement, point. On ne vous parle pas de STH ou de Joule. Joule, c'est lourd. Lourd. La secte phonétique, faut écouter aussi, hein, franchement, c'est super sympa. Ouais. Donc vraiment, ça, c'est ce genre de rap qui change, c'est frais et ça apporte un peu de nouveauté. Et puis on change un peu, on sort des poncifs du rap bien racaillant, entre guillemets, main sur la plaquette, conduire une Audi, c'est maillot CR7. Voilà, c'est un peu. Après, il en faut pour tout le monde, hein, de toute façon, le rap. C'est une musique qui aujourd'hui, c'est comme le rock, hein, y a pas un rock, il y a c'est des rock. Dans les mœurs, quoi. C'est entré dans les mœurs. Et donc, heureusement qu'il y a différents types de rap, chacun n'a pas la même définition, bien évidemment. Mais donc, voilà, un autre angle d'approche que nous propose notre ami Hippocampfu, et on apprécie particulièrement ses créations artistiques à cet homme-là. À cet enfoiré. Mais ouais, je pense que par contre, ouais, ça faisait un peu trop pas fragile, mais on a été assez gentil. Ouais, j'osais pas le dire en fait, mais on a été assez gentil. Moi, je propose qu'on passe à quelque chose d'un peu plus bourrin. Ouais, peut-être pas bourrin. Rentre dedans. Mais quelque chose de plus rentre dedans. Non, on voit pas la sauce. On a encore une heure à tirer. Moi, ce que je vous propose... Alors, je sais pas, en fait, parce que je suis face à un cas de conscience. Merde. Mais je sais pas si on avait déjà mis pour nos auditeurs ce morceau de Al Capote avec Freeze Corleone. Est-ce qu'on tente quand même? Ils sont pas prêts. C'est peut-être une œuvre d'art qu'il faut considérer comme telle. Et oui, qu'il faut. Oui, je pense qu'effectivement. L'empereur, alors, morceau, la Joconde. L'empereur, nous ne sommes que les vassaux de l'empereur. Vous allez dire, mais putain, les gars, vous mettez du Al Capote à chaque émission. Bah, on va envie de vous dire, bah putain, gars, ouais, on met du Al Capote à chaque émission. On est d'accord là-dessus. Oui. On est d'accord. Bien évidemment là-dessus. Al Capote, bon bah c'est notre maître à tous, hein. Enfin, c'est l'empereur. Ouais. L'empereur, l'exécuteur. Toujours, l'exécuteur qui est toujours. L'empereur Languille. C'est le seul qu'on va continuer de mettre alors qu'il a percé, quoi. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'on le suit, l'empereur. Après, il a galéré quand même pour percer. Ça fait un petit moment qu'il est dans le rap, etc. Il s'est accroché comme ça. Ça fait pas si longtemps qu'il est super considéré du grand public quand même. Oui, mais enfin, ouais. Bah, ses premiers trucs, ça avait été avec la Néochrome, avec le Néo, sur Néochrome, avec cette Gex. Plus vieux encore, plus vieux. Il était. Mais c'est à partir de là qu'il a commencé. Qui a commencé à monter. Avec Gex, avec les premiers morceaux. Néochrome. Chez Néochrome, 25G, enfin, ouais. Cette belle équipe de Barjo, là, ouais. Billy Joe. Et là, pour vous citer un peu les références, là, il est donc un morceau. Al Capote, il nous habitue, là, depuis quelques temps, à sortir une vidéo. À sortir les marches de l'empereur, et on a là on est à plus de 10 marches de l'empereur, et donc là c'est la marche de l'empereur, c'est l'épisode 9 et l'épisode 10. Attention, c'est pas de première nouveauté, parce que c'est sorti en février de cette année. Entre temps il en a sorti d'autres, hein, entre temps. Mais c'est l'homme, personnellement, je l'affectionne particulièrement. Il est avec un mec qui commence un peu à faire du bruit aussi, Freeze Corleone. C'est un mec, il est dans un univers, c'est assez barjo. Il a un flow qui est bien perché quand même, moi je trouve. Il a un timbre de voix qui est très particulier, mais assez envoûtant. Et il est dans un univers, ça frôle pas mal avec l'ésotérisme. Je crois qu'ils avaient fait un club, il était dans un collectif, lui, Freeze Corleone, qui s'appelait le 667 Club, un truc comme ça. Donc lui, ouais, c'est plus influencé un peu par l'ésotérisme. Il fait pas mal de références aussi aux sourates du Coran, des trucs comme ça. Donc un rappeur aussi, un rappeur dont on peut décrypter les phases à lire à plusieurs niveaux, où il y a plusieurs sens de lecture avec cet artiste-là. Et Alka, bah, notre ami Alka, ouais. Qui reste fidèle à lui-même. Ça, c'est dans la première partie. C'est dans la première partie de ce morceau. Et la suite du morceau, puisqu'on vous met les deux à la suite, hein, tant qu'à faire, soyons fous. Ça, c'est dans la marche numéro 9. Dans la marche numéro 10, il s'est entouré, notre ami Alka, pour le clip en tout cas, je sais plus comment il s'appelle, c'est un acteur porno français, je sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon, c'est pour ceux qui peut-être regarderaient des contenus pornographiques, c'est un acteur porno français avec modération, ouais. Toujours. Et ils ont exactement la même tronche, chauve à lunettes tous les deux, et franchement, la ressemblance est plus que frappante. Donc dans le clip, vous voyez Al Capote et donc son acolyte bien membré, on va dire ça comme ça. dans le clip, et c'est assez sympa. Donc on va vous mettre ça tout simplement. Il y en a pour à peu près 8 minutes de sauvagerie musicale, hein. Vous savez bien que notre ami Al Capote ne fait pas dans la finesse, bien évidemment, et il va vous le prouver une fois de plus avec ce morceau. Donc c'est Les Marches de l'Empereur, bande de clics. C'est parti, vous êtes sur la guille dans la Big Antenne. Le grand aigle plane au-dessus de cette pute. Idiot, les marches de l'empereur, épisode 9. Freeze Corleone. Même quand je serai mort, vous me sucerez encore. Le niveau est haut, le bico est chaud. Pétasse shit coquero, j'suis comme un pistolero. Crache sur l'uniforme des porcs avec Freeze Corleone. Mes petits Pokémon, fist force et folle. Pétasse, brise fort les prods. Bientôt le rap, ça rapporte Vlad Bif comme les sports. Ils sucent des beats comme des connes. Sur chiffre d'affaires de Goyard, j'regarde la concurrence, c'est comme le désert de Moya. V'là rose comme un verre de Goyard. Pétasse, rhinocéros, tout droit, il sort de l'Essonne. Pétasse, même ce diable de Guy Georges je vise l'auréole. Pétasse. Tu cries fort et bonne, pétasse. Mais y'a quelque chose qui cloche, c'est la discorde quand la mine d'or rayonne. Pétasse. J'ai vite sort et bord, vite faut qu'ils sortent les sorts. Freeze Corleone avec un cas qui coffe les corps. J'ai le plan depuis longtemps, mais gros S.O. Robert. Pour moi, il monte devant la cage, je laque pas S.O. Robert. C'est lugubre, si t'as peur, salope. T'es mort dans ce film, je suis l'unique acteur, salope. La police municipale pleure, salope. J'humilie ta sœur, salope. Lubrifie ma queue, salope. Fusil mitrailleur, salope. Multiplicateur, salope. Je concocte une tuerie pile à l'heure, salope. T'es qu'un vulgaire utilisateur, salope. L'empereur, le purificateur, salope. Freezer deuxième forme avec l'empereur de la crasse ripétasse. Dans le piège, pas dans la brasserie pétasse. Je veux pas la fin de carrière à Nas ripétasse. Sans froid comme les varans pétasse. Je ligne pas, j'ai des carences pétasse. Sous broma comme tes parents pétasse. Des terres comme Adolphe, années 40 pétasse. Zenshine 667 sur PS4. Fusil de précision sur PS4. MCL, j'graille du PFK. Équipe à fond comme le CSK. J'arrive à allumer comme 4 lampes. Faut brûler tous les pédophiles comme Jack Lang. Shenzhen, senior site. Pitié merde, des profondeurs comme un Atlant. Je fume du touch dans la brèche. Faut que je prenne ma revanche. Je cherche la brèche et je m'accroche aux branches. Ils veulent que j'arrête. Je me fais mouiller ta touche et je maintiens le manche. J'ai du pain sur la planche, la fumée dans les bronches. J'ai le flingue sur la hanche, y'a du sperme sur ta tronche. Il vaut mieux que tu te penches, ma belle montrée étanche. Toi tu kiffes ma prestance, puis faut pas que je flanche. J'allume un putain de gros camas avec ma vieillasse pendant la kermesse. Tu me suces avec de l'herpès, je te fouette sur les fesses avec ma ceinture Hermès. Évidemment, je suis rapide et fidèle. Je fais des actrices de chez Jackie et Michel. Je fume du hashish avec Maxime et Miguel. Et je fais du trafic avec Ali et Videl. J'arrive avec mes nakamas. Gros terre comme Takana. Antisioniste comme Katana. J'fume la Cali, j'suis dans les piles, pas les alcalines. 667, Guinée, Conakry, Cameroun, Sénégal, Mali. Shenzhen, Kenry, comme un pull champion. FIFA 19, score de tennis dans fut champion. Équipe, j'crois pas ce qu'ils disent dans les journaux. J'suis dans la cuisine, dans les fournaux. Salope. J'mate pas les ch'tis à Mykonos. J'te tripote comme un bricolo. Comme ça y'a plus de quiproquo. Section d'assaut anti-homo. Casse-toi de ma rouge anti-clodo. T'sais pas rapper grand rigolo. J'rentre en cabine en kimono. Pépère j'y vais tranquille mollo. Rayon laser à piccolo. J'casse pas gratuit jeune pigeonneau. C'est Al Capote le gigolo. J'vais zigouiller ces zigoto. Rien à branler tes biscotto. Mitraillette noire semi-auto. J'préfère planquer le fric au chaud et déguster du risotto. Sonore que j'ai les jutsu. Art de la guerre de Sun Tzu. Toute l'année comme si c'est l'hiver. Tous les jours négro j'pense beaucoup de soupe. Bitch j'ai les plans à l'Esther. Il me faut un salaire comme si joue à l'Esther. Qui lui a vie, ni qu'un sataniste négro comme à l'Esther. Ils nous ont tout volé. Ils violent des nouveaux-nés. Hein, avant-gardiste dans mon marketing. Shenzhen j'ai les caractéristiques requises dans mon archétype. J'ai pas suivi les conseils du manuel. Dans ce merdier y'a rien de surnaturel. T'inquiète bientôt tu me suceras sur net. Résidu de sperme et de cyprine sur ma durex. Plus de 50 balais, je vais emballer ces grandes baleines. T'es pas le sang de la veine, salaud tu me ressembles à peine. Tu ne manques pas d'air, dis-moi merci quand je t'asperge. Suce le gland de ma verge au lieu de sucer le camp adverse. Voilà les gang shit, j'arrive New York City comme le GS9. Précis au mix sur la prod flow semi-automatique comme le BF9. Le temps pour s'amuser, gaderme, les brands dans le quatrième. Sous pas pour pas morter en quatrième. Tu rappes comme si t'es en quatrième. Je mixe quelque chose avec quelque chose. S.O. Ben West, déteste être sobre. On consomme la frappe et les sept forts. Dans le sang des drogues d'au moins 7 sortes. Shenzhen, General Grievous. Je découpe comme si j'ai 4 sables. Cherche la concurrence, je vois personne. Négro dans mon champ de vision, j'ai Vlad Sable. Équipe. Le niveau est haut, le bico est chaud. Pétasse shit coquero, je suis comme un pistolero. Crash sur l'uniforme des ports avec Freeze Corleone. Mes petits Pokémon, fist force et folle. Tu brises fort les prods, bientôt le rap ça rapporte Vlad Beef comme les sports. Ils sucent des beats comme des connes. Sur le chiffre d'affaires de Goyard, je regarde la concurrence, c'est comme le désert de Moyave. L'un rose comme un verre de Goyard. Rhinocéros, tout droit, il sort de l'Essonne. Même ce diable de Guigeur, je vise l'auréole. Tu cries fort et bonne, pétasse. Mais y'a quelque chose qui cloche, c'est la discorde quand la mine d'or rayonne. J'ai vite sort et bois, vite faut qu'ils sortent les sorts. Freeze Corleone avec un tas qui coffe les corps. J'ai le blanc depuis longtemps, négro S.O. Robert. Pour moi, il monte devant la cage, je laque pas S.O. Robert. Équipe. DJ Weedon. J'ai le sabre et les techniques à Shinobi. Le rap a niqué une partie de nos vies. Que mon équipe et la famille aussi. Je baisse des vieillasses comme Annie Cordy. Ces grabataires n'étaient pas si jolies. Mais quand je repense à elle, ma bite grossit. Je pourrais même fourrer Martine Aubry. Au petit déj, je me fais une tartine au brie. Fumeur de shit, buveur de gin, tueur de skin, tueur de chip. Après une heure de gym, j'ai la fureur de vivre. Brûleur de bite, je suis d'humeur coquine. J'enlève mon pull berberisé, je lève des tumeurs bénignes. Tireur d'élite, nique l'inspecteur d'Eric. Rimeur d'Evry dans l'ordinateur des geeks. Le flow est tellement crasseux, ça en devient scandaleux. En bas de chez moi ça sent la beuh, ne testez pas le grand dalleux. J'irai pas mendier mon dû, j'ai la santé, le sang dû. Je reste planqué avec mon plan cul pour goûter le fruit défendu. Je suis complètement détendu, je roule avec des enflures. Bande de pute, je vous la mets dans le cul. Je suis le meilleur, soyez-en sûr, je reviens tout droit du Suriname. Ne jouez pas les rugbyman, respecte-moi comme Sullivan. Ou va me préparer une tisane. Mon produit provient de Tataouine. Appelle-moi si t'as de la weed. La haine de Saïd Tagmaoui, salope de pute, fais pas ta gouille. Salope de gouille, fais pas ta pute. Je te baise même si t'es pas adulte. Les marches de l'empereur, épisode 10. Sucez-moi mieux la prochaine fois. Sous pute. Épisode 10, le roi de la trappe court vite. Si t'as la chance de me voir, tu changes de voix quand je te dois. Rejoins-moi dans la chambre froide. Épisode 10, le roi de la trappe court vite. Si t'as la chance de me voir, tu changes de voix quand je te dois. Rejoins-moi dans la chambre froide. Suce ma bite et bois la tasse. Suce hypocrite, tu te voiles la face. Suce ma bite et bois la tasse. Suce hypocrite, tu te voiles la face. Suce ma bite et bois la tasse. Suce hypocrite, tu te voiles la face. Suce ma bite et bois la tasse. Salope de pute, tu te voiles la face. Je mange pas de taboulé, c'est la tombola. Je viens pas t'emballer, tous tes plans tombent à l'eau. Ce matin j'ai déjà fourré un cul, je peux pas m'avouer vaincu. Je vais savourer un pur sus pute. J'ai un tas de projets cette année. Je fume de l'Afghan du Pakistanais. Tous tes gangsters c'est du ciné. Tu veux nous tuer, tu sais plus viser. Cambriole ta maison sécurisée. Ta villa de luxe. Et je regarde le shit ébullisé. La frappe du Maroc. Mes économies j'ai dû miser. À l'époque t'écoutais plus de F et du Nizé. Le grand empereur. Dès que je rentre ta carba mouille. Je mélange la ratatouille. Je te présente les rois de la souille. Sus, pute. Dérange pas la patrouille. On les chouffera tous tour à tour. Tour à tour. Et on se la coulera douce sous la tour. Sous la tour. Je veux que mes troubadours trouvent l'amour. Trouve des putes. Ta pouf, je la fourre sous la douche. Épisode 10, le roi de la trappe court vite. Si t'as la chance de me voir, tu changes de voix quand je te dois. Rejoins-moi dans la chambre froide. Épisode 10, le roi de la trappe court vite. Si t'as la chance de me voir, tu changes de voix quand je te dois. Rejoins-moi dans la chambre froide. Suce ma bite et bois la tasse. Hypocrite, tu te voiles la face. Suce ma bite et bois la tasse. Hypocrite, tu te voiles la face. Suce ma bite et bois la tasse. Hypocrite, tu te voiles la face. Suce ma bite et bois la tasse. Alors que tu te voiles la face. La big, ah, la, version, la big, la, c'était la version karaoké, la de big jingle, ouais. Antenne, la big antenne, blablabla. Cloche, cloche, cloche. Eh ben, on vient vous laisser donc avec quelque chose d'assez sale, on dirait quand même, avec donc les marches de notre empereur préféré, notre seul et unique empereur. On restera toujours. Oh. L'empereur de toutes ces putes. J'ai pas trouvé. Ah si, peut-être à un moment. Si, ouais. Un moment, il a dit... Quand tu dis voile la face. Ouais, ah ouais. Ouais, j'ai remarqué un peu. Très peu conventionnel en France. C'est non, effectivement. Mais voilà, notre ami Al Capote, donc avec Freeze Corleone. Perso, moi, je sais que c'est j'aime bien. Enfin, ça change un peu. Il a une voix perchée. Bon, c'est sûr, c'est pas comme Baladé. Mais VG Dream. Ou VG Dream. Mais non, c'est pas. Enfin, ça change. On écoute. Je me lèverai pas la nuit pour en écouter. Mais mais bon, dans l'idée, ça reste agréable. Ça reste agréable. Mais bon, on a assez flatté la langue de Molière pour le moment. Moi, je vous propose qu'on retourne. Il est en train de chialer. Bah, et pourtant, que notre ami Alka, il sait la flatter, la langue de Molière. Mmh. Il sait la flatter comme nul autre. Hein. Ouais. La femme de Molière, surtout. Bon, alors, par contre, il y a la légende qui dit que. Flatule, surtout. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a une légende qui dit que soi-disant Alka, ça serait, il utilise, ce serait un des rappeurs qui utilise le plus de mots dans la langue française. Bon, ouais, je veux bien croire celle-là, mais de gros mots. Ah, c'est peut-être ça. Je les entends pas tous les autres mots. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est vrai que sur certaines rimes, des fois, il te sort des mots, tu comprends pas trop. Où est-ce qu'il a été cherché ? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Effectivement, des fois, il est bien chez père quand même. Ouais. Il est bien chez père, notre ami Alka. Mais donc voilà, avec un morceau, enfin deux marches d'un coup, c'est vrai que ça cartonne. C'est toujours un plaisir de retrouver notre ami. Ça essouffle. Et d'ailleurs, bah, pour un peu parler de son actu à Alka, il a défrayé la chronique là dernièrement en proposant un featuring quand même avec Bilal Hassani, vous savez, celui qui a fait l'Eurovision, qui a été décrié par la chronique et par d'autres pour son orientation sexuelle, voilà, pour l'image aussi qu'il donne, etc. Voilà, pour recontextualiser, voilà, c'est un artiste transgenre qui a fait participer à l'Eurovision, et Al Capote, il a surpris tout le monde. Al Capote, qu'on croyait être le pire renégat misogyne, homophobe et transphobe possible, et ben il a pris tout le monde à rebrousse-poil, puisque donc il a fait un featuring avec Bilal Hassani, donc on va voir ce que ça va donner. Il a aussi s'est illustré il y a pas longtemps avec un morceau avec Philippe Catherine où il parle des mamans. Tu es la seule femme que j'aime. On fait des bisous à nos mamans, d'ailleurs on a des bons fils quand même dans l'ensemble. Ouais, nos belles mamans, y a en tout cas. Oui. De Bretagne. De Bretagne, on fait des bisous à tout le monde en tout cas. Oh, bah, Drex, partout, toi, des bisous partout. Toi Drex, t'as pas de cœur, on n'y peut rien, écoute. Hein. Mais donc, notre ami Al Capote qui surprend quand même encore à chaque fois. Mais c'est génial, ça. C'est un génie de faire des trucs comme ça. Génie. Il sait se réinventer tout en gardant son identité, tout en gardant. Il aime aller vraiment à la frontière de l'extrême où les gens peuvent ne pas comprendre et comprendre. C'est vrai, effectivement. C'est ça qu'on aime aussi, c'est ça qu'on aime aussi. Alors certains pourraient dire oh c'est vulgaire, il dit quand même 37 fois pute dans chaque morceau, dans chaque phrase. On appelle ça un gimmick. Après voilà, c'est sa signature sonore entre guillemets, ouais. C'est sa signature musicale. C'est une bête de troll aussi. Oui, en plus, oui, il oui. Est si. Super troll et puis il se fait rigoler en fait pour écrire ses trucs. Tant qu'il trouve des rimes qui sont barges et qui le font rire, des multisyllabiques de porc où il arrive à garder la même pattern pendant tout un couplet, mais en racontant que des choses dégueulasses, bah, c'est là qu'il aura atteint son but. Oui, exactement. Et c'est en ça que c'est génial. Et c'est pour ça que souvent Internet s'enflamme, les esprits bien pensants s'enflamment en disant Al Capote, c'est honteux de le laisser chanter et autres, alors qu'il est simplement dans la provocation et c'est dans ce domaine-là qu'il excelle le plus. Il doit avoir une paire d'associations sur la gueule quand même. Je sais pas s'il a tant de procès que ça. Faut que tu te Non, pas autant que toi. Non, j'ai donné. Ou Bernard Tapie. On en parlera pas. Mais quand on parlait vraiment de polémiste, oui, c'est lui aussi. C'est notre ami Alka aussi qui avait fait un morceau qui s'appelait quand même Sora la raison. Là, dans le genre plus polémiste, c'est quand même compliqué. Quoi. Là, c'est beaucoup plus Sora compliqué. Sora qui est en prison maintenant, du coup. Oui, exact. Bah, ouais. Sora la raison, ouais, mais Sora ouais, en prison, il en tout cas. Il a pris encore une peine de plus. Hein, Sora en prison. Mais en tout cas, voilà, pour vous situer un peu le personnage de notre ami l'Empereur, il est toujours provocateur, toujours caustique et toujours irrévérencieux, l'Empereur, mais incroyablement talentueux et jusqu'au boutiste, il va jusqu'au bout de ses idées. Mais pas qu'au bout de ses idées. Voilà, en plus de ça, sans vider un genou. Mais voilà, notre ami l'Empereur, c'est pour ça qu'on continuera toujours à être fidèle de bons et loyaux vassaux de l'Empereur, tout simplement. Donc, après cette petite interlude, on vous propose de partir peut-être outre-Atlantique, Drex, parce que toi, t'aimes bien un peu ce qui sonne qu'un riz dans tes oreilles. Franchement, je déteste ça. De toute façon, ça s'entend hein, quand on écoute tes paroles. De toute façon, c'est vrai qu'on se rend compte que toi, c'est pas la beauté de la langue qui prime. Tu comprends ce qu'il dit en plus. On voit bien que là c'est le coup bas. C'est le coup bas. C'est comme un coup de pied dans les couilles. Ce que tu exactement. Faire. Comme un téléphone au PC dans les bureaux. Donc on va vous mettre avec un morceau de Bizarre. Bizarre qui vient du label d'Eminem, c'est ça Ouais, si on n'a pas notre ami producteur là, mais qui vient de Détroit, qui est signé chez D12. D12 Saint-Amé. D12 Saint-Amé, ouais. C'est une firme. Et donc bizarre qu'il y ait un rappeur assez psyché aussi, assez, assez bizarre, percé, perché. Il a fait des trucs avec Eminem, lui, non, hein, Drex hein. Alors ça, je suis pas sûr. C'est pas bizarre, non. Faudrait demander au connaisseur, mais il est pas là, notre ami producteur. Mais... Non, mais on est soutenu, hein, c'est cool. Ah bah ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur à mort. Ça fait chaud au cœur. Non, mais en tout cas, voilà, vous allez voir un morceau bien perché où notre ami bizarre. Space. Faut le voir avec le clip. Le clip est particulièrement truculent, même à l'audio. On se rend compte dans ce morceau qu'il a fait l'expérience d'une substance hallucinogène qui a eu de plusieurs. Qui avait l'air de fonctionner, ouais. Qui avait l'air de fonctionner. Donc le morceau, de toute façon. Big up à Boubou. Le morceau s'appelle Outer Space, hein, d'où hyperespace. Enfin, Outer Space, hein, ça se traduit pas littéralement en français. Dans l'espace, pour vous dire à quel point notre ami, il est perché, même notre hors ami de l'espace. Hors de l'espace, outre l'espace, outre Outer Space, en dehors des frontières de l'espace. Et juste après ça, on voulait vous mettre un petit Tech N9ne. Rien à voir, effectivement, mais bon, alors, on fait ce qu'on veut de toute façon, hein. Non, ouais. Si, ouais, hein, on est d'accord, merde. oui, voilà, c'est le mot que je cherchais, ouais. Avec un morceau, vous excuserez pour toutes les travailleuses sur le bas-côté des routes et autres fleurs du parc. Les princesses de la rue, le morceau s'appelle BITCH, en anglais ça se lit bitch, hein, BITCH, attends, ouais, mais j'ai pas bien compris. Plage, non, il parle pas. Une travailleuse de la rue, hein, Riquin, gros. Bitch, c'est juste une salope. Ouais. Oui. C'est pas une prostitute. Oui, mais voilà, mais le morceau, ouais, c'est plus, ça traduirait plus peut-être par plus salope, effectivement. Exact. Ça dépend d'un peu. Donc Tech N9ne, qui nous vient d'où, lui, Tech N9ne, tu sais, toi. Tech N9ne. Bah, il est passé à Lyon il y a pas longtemps, je crois. Il a fait un concert à Lyon il y a pas longtemps. Ouais, donc qui est Riquin de toute façon. Il vient de Détroit. Non, il n'y a pas de Détroit. Hein. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. Il faudrait se renseigner. On se renseigne et puis on vous dit juste après. Avec donc featuring avec T-Pain, donc sur le morceau Beach. Donc voilà, on vous laisse avec ça, messieurs, dames. Restez connectés, vous êtes avec nous sur le 107.0. On est avec Bizarre. Et vous allez voir que ça, c'est bizarre. On est avec Bizarre et c'est parti en avant la musique. Allez-vous. Planet. Uranica Bazaar. That's the name of the planet I live on. Every day, I wake up geek. Puffing gas. Can't sleep. Bills. I be popping. Percocet. Lot of action. I'm rolling. Stolen. I can't feel my face. Don't hit this blunt cause this shit is lace. Yeah, motherfucker. We popping pills, motherfucker. I'm hiding the blur. Space. I be leaning. I be dreaming. I be floating. Out of space. Yeah. Out of space. Yeah. Out of space. Yeah. I be floating. I'm popping a lot of Percocets. I sniff a lot of ear. I'm talking too much. I be smoking a lot of shit. The girl be sucking a lot of dick. Gas and cocaine. Nigga, I got a lot of it. Duck niggas, stay away from fuck niggas. Buck niggas. fuck niggas. Nigga, what's up niggas? Don't fuck with the Xanax. Xanax, a bad decision. I pop two bars, going back to prison. You know what I said? I pop two bars, I'm going back to prison. Church, young man. Now they ain't about to think you a rebel. You about to make them think you birthed from flames. La la la dee da da. Wanna be on TV just to show out for me, mama. But breaking into colored houses, it me it. Then it's a bitch when you're sick like this. Putting all the face paint I can put on. Put my black jeans and black hood on. That's your TV I just stood on. With a faded habit, this brother swerves when I sip vodka. I'm the latest rabbit, in other words, I'm a hip hopper. You disc jockers never played me, you said my shit stopped ya. 2001, I mixed opera, now every click's got the sick cocker. With lots of ripping about they chips, utter. Listen to this quick chopper flipping the proper with the spirit of fucking Big Papa. Yeah, this for your motherfucking rap quotes. My shit is surprising and shocking like Barack votes. The trap's broke when I rap with Tunchi and Stacks, though. OG Mug said I'm gonna be the first rapper to cross over to black folks. Yeah, I'm breaking into colored houses. Polo boots and hella dark colored outfits. Yeah, I'm breaking into colored houses. Fellas better put a chastity belt on your spouses. Niggas, cause it don't suck to be this rich. If you not fucking with me, brethren, you can suck upon this dick. Man, I just get it how we get it where I live. Somebody better call 911. I'm breaking in these niggas' cribs. Yeah, we out here working. One thing for sure, two things for certain, I'm for real. That's how I live. Somebody better call 911. I'm breaking in these niggas' cribs. 2001, my people dodged me like Durango. Now at my shows, I see more N-words than Django. From Missouri, like Nelly, Chingy, and Chang Hang Low. But Kansas City, somewhere over the rainbow. I'm in your house, baby. I'm in your living room. Looking down your blouse, lady, and everybody is in tune. To Tech Nina, sex fiend, a threat to his and whom. They got a beautiful woman and give him boom. They want it because I'm about to be big and boom. Breaking into colored houses is hard, man, cause everybody got guns, and they got dogs, and they got bars, man. But I'm coming through that TV, TV, and all the ghetto was gonna see me sipping the KCT. Nigga, no Tech Nine, now everybody want a freebie. Damn, I'm breaking into colored houses, polo boots and hella dark colored outfits. Yeah, I'm breaking into colored houses. Fellas better put a chastity belt on your spouses. Niggas, cause it don't suck to be this rich. If you not fucking with me, brethren, you can suck upon this dick. Man, I just get it how we get it where I live. Somebody better call 911. I'm breaking in these. people missing me like Diana Ross. No, this ain't MMG, but I am a boss. Although I'm wicked, see, I'm flying, I floss. So why am I lost? Like my jammer's off. Yes, you a day late, better late than never. I'm a veteran, my cheddar been truly silly like Stevie J face. Every last one of these evil haters, they see me vacate. Dip to the crib, turn on the television and see my face like, hey, wait. Man, it must suck to be you niggas, cause it don't suck to be this rich. If you not fucking with me, brethren, you can suck upon this dick. Man, I just get it how we get it where I live. Somebody better call 911. I'm breaking in these niggas' cribs. Yeah, we out here working. One thing for sure, two things for certain, I'm for real. That's how I live. Somebody better call 911. I'm breaking in these niggas' cribs. Extreme, you know what I'm saying? Like, fuck what everybody doing, we doing this. That's the Strange Music spirit. Fuck you, you on bullshit, we going this way. That's the Strange Music spirit. Strange Music. Oh, vous êtes toujours avec nous, vous êtes toujours sur la Big Antenne, vous êtes sur le 107.0, c'est le son qu'il vous faut, bien évidemment. On vient donc, messieurs, dames, de vous laisser avec donc notre ami Bizarre de Détroit. Un très bon pote. Hein. Oui, on le connaît très bien. Sacré bien. Trippé, lui. Hein. Sacrément perché, ce type. Sacrément perché, notre ami Bizarre. Oui, je pense que ça doit être un peu le genre de mec, quand même. À être très en week-end. Très week-end. Ouais, il doit être pour tourner son clip. Il y a un moment, tu le vois dans le clip, il est en train de chialer, il vrille totalement. Ben c'est n'importe quoi, gros. Ouais, le mec, tu sens qu'il se fait souffrance. Mais... il se met souffrance. Il est dans des vraies perches, quoi. Des vraies perches comme il faut, bien comme il faut, comme un grand qui se met le garçon. Exactement. En tout cas, ouais. Avec modération. Et Tech9 avec T-Pain, juste après. Donc, morceau assez frais. Enfin, c'est ricain. Bitch! C'est sympathique, c'est West Coast. Voilà. C'est sympathique. Mais bon, moi. Il y a du flow. Autotune, par contre, je suis pas très fan. Ouais, c'est vrai que ça, par contre, ça sent un peu mort, quoi. Mais... ouais, ça sent quand même pas mal d'autotune. On est d'accord que. J'osais pas le dire, mais maintenant que t'en parles, ouais, on peut. Effectivement. Bah, moi, l'autotune, moi, ça me gonfle un peu aussi. Donc, moi, j'en je propose. Les couilles. Ouais, plein les rouleaux. Moi, je propose. Raz-de-marée. On est français, hein, donc on va retourner à écouter du rap francophone, vous marquerez, puisque là on vous propose pour commencer PNL. Avec un... ah, quand t'auras fini de dire des conneries. On vous propose pour commencer un morceau qui date de 2010 d'un groupe qui s'appelle La Microphone. C'est périmé. Ouais, ouais, c'est périmé. Hein, ça, c'est périmé. Bah oui, pour des 2000 comme vous, c'est vrai qu'effectivement... Alors là, non, je ne te permets pas, s'il te plaît. Non, je déconne. Donc, un morceau qui date de 2010 avec... La Microphone, c'est un collectif de Paris avec double A et d'autres... je sais plus double B. Si on avait parlé, mais bah, voilà, des MC bien, bien cool. Et sur un morceau, enfin moi personnellement, ça me parle un peu comme thématique, sur un titre qui s'appelle Aucun Revenu, où ces artistes, ils vont vous exposer ce que c'est de faire de la musique pour des clopinettes. Hein, peut-être que certains savent ce que c'est. De pas avoir de clopinettes. Peut-être bien que nous, on sait un petit peu ce que c'est quand même. Oui, bah oui, après le statut d'artiste, est-ce que c'est vraiment un statut, hein, de toute façon, ça c'est un vaste débat. De toute façon, une statue, ça bouge pas, et puis... Vous allez finir par sortir tous les deux, tout ce que vous aurez gagné, les gars. C'est malheureux, hein, d'en arriver à des Tu feras un monologue tout seul. Tu vas finir par parler tout seul. Bah, si je fais un monologue, de toute façon, oui, tu seras tout seul. Oui, forcément. Oui, effectivement. Enfin, après, oui, il y a peut-être quelques auditeurs, peut-être, qui ont la radio bloquée sur Radio Gamazo et qui sont obligés d'écouter nos vibrations. Qu'ils ont une Renault, par exemple. Par exemple, oui, effectivement. Pourquoi ça veut pas changer, mais putain. Pourquoi ça change pas, mais pourquoi on supporte cette merde, station, la con, effectivement. C'est de la merde. Même le volume, j'arrive pas à le baisser. Ah bah non, c'est que du gros. Je dois rouler jusqu'à Paris, bordel de merde. Ouais, mais tu vas pas le capter longtemps quand même. Non, ça va, là-dessus, t'es pas trop dérangé. Mais sur Internet, ça marche très bien. Ah bah, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, et ils ont de la chance. Que vous êtes nombreux à nous écouter sur Internet. Et c'est sans pub, en plus. C'est important, et sans pub, attention, c'est important, ça. Donc voilà, on discute, on s'égare, mais ça nous avance pas non plus. Donc on a dit qu'on allait vous avec le morceau de la Microphone, Aucun Revenu, et ensuite on va faire un petit détour par le canton, par l'Helvétie, par la Suisse, si vous le voulez bien, avec une rappeuse que moi, pour ma part, j'affectionne particulièrement, j'ai nommé Lagal. Certains pourraient la rassembler, c'est très rapide, hein, comme rassemblance à Kenny Arcana. Moi, je trouve qu'on est à quand même à des années-lumière de Kenny Arcana. Mais après, malheureusement, Kenny Arcana, en plus, elle a fait quelque chose de super alterno, et puis elle est passée dans le commercial directement, au final, qui respectait plus du tout ses valeurs. Enfin, ça n'a rien à voir, mais... c'est un coup de gueule. Ah, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule, non, mais c'est sur le fait, hein, directement. T'as le droit de le passer. Ouais, alors que donc Lagal, elle, c'est donc une artiste. Elle est libyenne ou iranienne d'origine, je crois. Elle a grandi en Suisse. Elle a sorti un premier album qui s'appelait. Ce premier album, c'était La Peste ou un truc. Lagal. Et Lagal, tout simplement, album éponyme. Et le deuxième, Salem City Rocker. Et là, c'est une première, c'est une prod, c'est une première sur son premier morceau, premier album. Putain, je galère. Premier album avec le titre Un singe en hiver, avec un sample du film du même nom, Un singe en hiver, avec Jean Gabin et Lino Ventura, si je dis pas de bêtises, pour les cinéphiles, vous allez reconnaître le sample. Et avec une prod, personnellement, il y en a qui n'aiment pas. Certains diront que la prod, elle est toute pétée, elle est simpliste et autres. Moi, personnellement, je vous emmerde, ça me parle largement comme prod, je trouve ça génial. Donc, vous ferez un avis. Donc, on vous laisse tout de suite, ladies and gentlemen, la microphone. On fait un gros big up à Sylvain au passage, suivi par Lagal. Vous êtes sur le 107.0, puisque ça, c'est le son qu'il vous faut, c'est la station qu'il vous faut, c'est Radio Gamezo. Restez connectés, on revient tout de suite après. Lourd. Tous ces artistes font aucun revenu. Tous ces artistes rêvent à cela, les Allemands t'entends. Tous ces artistes n'ont jamais touché même pas une Cayenne, une Porsche. Alors imagine-toi, qu'est-ce qu'ils me racontent, leur monde vaut moins que 100 dollars. Ils tirent aucun revenu. Où est l'hydroponique? Tous les jours je m'empresse d'aller vider mon compte, mes caisses. Que ce soit par CB, chèque ou espèce. Même si ça peut paraître dur de se passer de l'argent, de toutes les belles choses qu'il procure, c'est dur de pas être dépendant. Au fur et à mesure, à force de casser la tirelire, on perd sa notion, c'est sûr que ça peut devenir pire. Mais où va le monde, je le demande. Dépenser son oseille à tout va dans les conneries de galeries marchand. Le public marche, on redemande surtout pendant les soldes. Il se lâche bande, fumer l'American Gold. La consommation poussée à son extrême, dur de s'en extraire car au fond on aime ça, servir le système. Je dépense donc je suis, telle est la devise unique. Me passer de mes louis est une chose utopique. Mon tanante averti que petit à petit l'argent nous va servir. Dans ton corps il agit comme une bactérie. Et petit à petit grossit cet appétit, mec. Rien n'est gratuit aujourd'hui, c'est pas une découverte. Si tu produis pas assez, tu cours tout droit à ta perte. Regarde tes pertes, tes billets partent de ton portefeuille. Chaque pièce mérite, c'est pas comme un fruit qu'on cueille. Quoi qu'il se passe, l'homme chasse comme un rapace. Il amasse chaque pièce car rien ne remplace la caillasse. Une vie en palace, la première classe, ouais. Les traces de coco, le champagne et les tasses. Quoi qu'il se passe, l'homme chasse comme un rapace. Il amasse chaque pièce car rien ne remplace la caillasse. Une vie en palace, la première classe. Traces de coco, le champagne et les tasses. Tard le soir comme tous mes confrères, j'examine mes dollars. Mon larfeuille est sollicité comme aux étals chez d'art. Je consomme, nous concevons de consommer sans vergogne au microphone. Même la plupart des MC préfèrent le genre art. Tu t'étonnes d'en faire des tonnes pour gagner ta thune. Tu fumes ta conne de skunk en serrant la ceinture. Pur produit, surproduit de la société de survie. Au pire des sursis, la pauvreté frustrée. Tes pompes sont cirées, ton fut illustré. Ta casquette est un bec, mais ta cathy. T'as quitté bébé, chante et fais la pute au Mickey danse. Danse, toi et ta clique mérite un prix d'élégance. Maintenant t'es averti que petit à petit l'argent nous a servi. Dans ton corps il agit comme une bactérie. Petit à petit grossit cet appétit. Mec atterri. Maintenant t'es averti que petit à petit l'argent nous a servi. Dans ton corps il agit comme une bactérie. Et petit à petit grossit cet appétit. Mec atterri. L'argent dirige tout autour de moi parce qu'il passe crème. Je finirai ce texte par cette phrase du Wu-Tang. Même si on nous avait dit qu'on resterait des sauvages, même si le ciel reste gris depuis l'époque du nuage, même si les belles philosophies sont restées des adages, l'humain c'est pute, ce bandit n'a jamais fait place au partage. C'est comme de l'hydroponique avec le plus haut taux de crime au monde mélangé ensemble, t'entends? T'entends? Quoi? Qu'est-ce que tu croyais? Les fusils sont braqués sur ta petite amie. Rien n'est gratuit, on est forcé de manger. La criminalité augmente. On achète des jambes 24 pouces, des câbles à diamants qui vous dérangent la vision. Jour con, on expose. Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Tutoie les anges. Ça s'en souffle chez les alcoolos. C'est pas la bande à Pierrot. Du zinc à la sortie du bistrot. Des crêtes, des lox, des boules à zéro. Ça chauffe, ça se pose, ça se toise. Sur fond de calvade, grosse basse et de cervoise. Les pirates ont peu de temps à perdre. Et les tocards ont des dents à perdre. La devise trouve là, car sans le bon mot. On te refoule à l'entrée, puisque même entre poivreaux, on devient sélecto. On garde la crème et on jette les os au fond du calvaire. Nom de code C1, 10-05, on traverse ton train. Ramène-nous du verre, on se la met à la bien. On se refoule à l'envers. Et tant pis pour demain. Là encore une soirée à mater le décor. Fallait peut-être éviter, mais nous revoilà encore. Aussi rapide que l'éclair, aussi frais que la mort. Une haleine de chacal et des relents d'alcool fort. Traite-nous pas d'un culte, on innove dans les insultes et l'humour gore. Ça casse du verre, ça se tord. Sur fond de vodka et de cragan mort. Ça se casse la gueule dehors. Pour une histoire neuve et que sais-je encore. Ça se met des mines de mort. Ça sature dans l'enceinte de nos transistors. Une soirée aérée, deux jours à dégriser. Des trous dans le cerveau de tous les côtés. Une soirée banale à mater le décor. Avant de recommencer le même genre de scénar. Deux, trois troncs verts, deux, trois capsules d'Algifor. Caresser le destin de chien qui la veille te mort. Là encore une soirée à mater le décor. Fallait peut-être éviter, mais nous revoilà encore. Aussi rapide que l'éclair, aussi frais que la mort. Une haleine de chacal et des relents d'alcool fort. La big antenne. Oh que oui, la big antenne, ladies and gentlemen. Je jouis dans mes oreilles. En tout cas, on vient de vous mettre, messieurs, dames, encore du son très très lourd qu'on apprécie et affectionne particulièrement. C'était la microphone avec le titre Aucun revenu, suivi par la gale, un singe en hiver. Donc ça faisait un débat, on n'est que trois, on arrive quand même à avoir des débats et des désaccords. Bah tu vois... Non. Ouais, merci. Des singes en hiver, ton... Ouais, un singe en hiver. Personnellement, ouais. Sur la gale... c'était la gale le dernier morceau, on est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? L'instrumental, j'ai trouvé que c'était pas possible. C'est pas possible? Non, moi je suis pas d'accord. Toi tu valides pas alors? Non mais c'est plus que pas validé pour moi. Non, d'accord, et toi tu valides pas non plus. J'ai du mal avec la voix, le synthé. Après, moi je vous emmerde. Par contre, la tension est bonne. J'ai dit du négatif, j'ai pas répété le positif. Freddie Mercury. Par contre j'aime bien le délire et la façon dont c'est fait et tout, un peu nonchalamment, c'est super cool le délire. Mais vraiment la prod, non, celle-là c'est pas possible. Alors elle avait fait sur son autre album Salem City Rocker, on en mettra à la rigueur la prochaine émission si on a le temps. 4 heures, hein, il faut pas oublier pour les auditeurs qui nous écoutent. On aura... Grosse émission en perspective. Voilà. 19h. Ouais, 19h de non-stop. 19h non-stop. On aura l'occasion d'en remettre, mais en tout cas moi la gueule, c'est une artiste personnellement que j'apprécie particulièrement. Elle tourne quand même pas mal dans la scène punk indé alternative, on va dire. Elle nous vient de Suisse donc. On la retrouve notamment maintenant sur internet, elle fait des vidéos avec une autre gonzesse, je sais plus comment EGR. Ça n'arrête pas, hein, ça débande pas. Hein. Avec une autre artiste, Une autre gonzesse, je sais plus qu'est-ce qu'elle fait, c'est le gonzesse, c'est là, mais en tout cas, bon, le principe c'est simple, c'est que bah, si vous avez écouté un peu les paroles, elle n'est pas la dernière, elle crache pas sur le jaja, sur l'essence. Donc, où elles font, on peut voir la gale faire le tour de France, de toutes les régions viticoles. Ça, l'émission elle s'appelle Juste un doigt, et on les voit, on voit la gale fumer des pétards et puis et boire du pinard en allant voir des vrais producteurs. C'est un bel exemple pour la jeunesse. C'est, bah, si, justement, parce que où elles vont justement voir le travail des vrais hommes et des vraies femmes de la vigne, où elles vont elles mettent en lumière justement le travail des artisans. Ça, c'est chouette. Ça, alors oui, ça encourage peut-être à la consommation d'alcool, mais pas n'importe comment, ou de fruits, justement, pas ou de fruits. Quel alcool. Voilà, l'alcool de France. Ça met aussi en lumière le patrimoine français, le oui. Pas, même pas forcément que français, parce qu'on les voit. Elles ont fait une émission sur le, aussi sur le vin suisse et autres. Donc, et du voilà. Vin suisse qui est reconnu quand même bien ou bah reconnu, c'est du vin suisse quoi, ouais. Comme comme du vin dans les Alpes. Je voudrais bien goûter quand même. Quoi. Ouais. Ouais, c'est comme des nems français quoi. Bah voilà, après c'est de l'appropriation culturelle, c'est de l'appropriation culturelle effectivement. Effectivement. Mais donc la gale, voilà, si vous êtes curieux, allez voir la gale comme la maladie et puis allez voir son émission sur internet, ça s'appelle Juste un doigt, c'est assez marrant effectivement. Ça les fait rire hein, les bas de plafond là-bas, hein, les bas de plafond ça les fait rire hein, ça c'est sûr que voilà. Moi j'ai pas rigolé. Non, non, moi, non, tu mais... rigoles, arrête, il se bidule comme un phoque. Bref, allez, de toute façon, il pouffe, il ricane, il cancane. Tu cancanes, Drex, je te le dis, tu cancanes. tiens, ouais, bah, écoute, moi j'ai envie, doucement les auditeurs, si ça se trouve, il y a des personnes fragiles du cœur, porteurs de pacemaker ou enceintes ou diabétiques. Est-ce que vous allez bien ? Voilà, fais plutôt de l'ASMR. Ouais. Voilà, sinon, bah tiens, et, bah, ça me donne une envie, puisque de toute façon, le temps passe, le temps passe, et on dirait bien que beaucoup de choses ont changé. Mais on va vous laisser avec, enfin, pas tout de suite, mais on va vous mettre une petite chanson d'amour, si vous voulez bien, messieurs, dames. C'est un groupe français, eux aussi, ça s'appelle Les Enfants des Ténèbres. Le morceau s'appelle Prince Charmant. Oh, c'est, joli. C'est une chanson pour ceux qui, par exemple, traversent une période de rupture, pourraient leur parler. Moi, ça va, personnellement, ça me parle. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je me sens presque concerné. Donc, bah, on écoutera. Ça s'appelle donc Les Enfants des Ténèbres. Dédicace à toutes les mauvaises personnes qui traversent votre vie, qu'on emmerde profondément. À toutes ces putes. À toutes ces putes, voilà, on peut le dire. Là. Masculin comme féminin, nous ne sommes pas misogynes. Hein. Putes, c'est universel. Hein. À tous ces gens-là, le morceau s'appelle Prince Charmant. S'il y en a qui le cherchent encore, de toute façon, l'amour n'existe pas ou alors l'amour est mort. C'est, vous êtes sur le 107.0. Oh, Damien. Oh. On est sur le 107.0, vous êtes sur Radio Game Show. Oh. Les Enfants des Ténèbres. Ok, les fées et les sirènes t'appellent, mais n'écoute pas leur voix. Dans leurs bras, le plaisir est si bref, mon frère. Même une étreinte pourrait te laisser des séquelles. Parfois encore, la bêtise humaine me sidère. Et sur ma route, j'ai vu l'amour crever la gueule ouverte. Si bien que j'ai aussi peur des je t'aime que des revolvers. Suis-je coupable de mener ma vie en solitaire, de préserver mon cœur plongé dans un éternel hiver? Put your hands up, non, je rigole. J'suis pas d'humeur à faire la fête le soir quand j'picole. La rancœur est un poison, il n'y a pas d'antidote. Je t'assure, j'ai vu des lions se faire manger par des antilopes. Y a-t-il un maçon pour cimenter mon cœur? À la fin de chaque relation, je ne parviens pas à supporter le deuil. Je te fais peur comme les cadavres de la Dole. Une fois que je t'ai raccompagné, je me retrouve souvent seul. Tu m'aimes de loin, mais je te déteste passionnément. Pense à moi quand un homme te pénètre profondément. Je suis le prince charmant, mais la version pour adulte. Tous c'est les mises au con adulte. Et où les autres se prennent des supercutes. Je touche le fond du gouffre et les machos sous lui ton utérus. À plusieurs à l'intérieur comme dans une poupée russe. L'amour m'a dit va bien le faire foutre. Bouge un peu en club à Rome, lâche Facebook. Lâche Facebook. Ok, les fées et les sirènes t'appellent, mais n'écoute pas leur voix. Dans leurs bras, le plaisir est si bref, mon frère. Même une étreinte pourrait te laisser des séquelles. Parfois encore, la bêtise humaine me sidère. Et sur ma route, j'ai vu l'amour crever la gueule ouverte. Si bien que j'ai aussi peur des je t'aime que des revolvers. Suis-je coupable de mener ma vie en solitaire, de préserver mon cœur plongé dans un éternel hiver? Des putes et des pelles, des moches et des belles, des tests et des thèmes, des lits et des chaînes, de la chair et des vis, des fesses et des poses. C'est vrai que ça t'efface le défi d'Adam, le fils qui t'attend. T'as croqué la pomme, t'as perdu des dents, t'as pendu ta raison à la ficelle d'un string. C'est solo à présent que l'amour t'imagine. On avance tous aveuglés de bons sentiments. mais sans se situer quelle direction faut prendre. Les choses simples se compliquent vite si tu réfléchis trop à la taille de la lame qui te plantera dans le dos et pour cause. Le tout est si fragile qu'on te dira je t'aime dans le creux. Le jour où ton cœur cessera de battre, espèce de pitre. On attend tous que tout s'arrête comme une rature faite d'avance sur un texte bien pensé, t'es mal et bête. Une arène, un stylo, une bouteille, un god, une lesbienne, une discussion, une terrasse, une conne, un clown, des mots stériles. Ok, les fées et les sirènes t'appellent, mais n'écoute pas leur voix. Dans leurs bras, le plaisir est si bref, mon frère. Ma mulétrane pourrait te laisser des séquelles. Parfois encore, la bêtise humaine me sidère. Et sur ma route, j'ai vu l'amour crever la gueule ouverte. Si bien que j'ai aussi peur des je t'aime que des revolvers. Suis-je coupable de mener ma vie en solitaire, de préserver mon cœur plongé dans un éternel hiver? La big antenne. Yo. What's up, nigga? Bien sûr, mon négro, bien sûr. Oui, évidemment, évidemment. Vous êtes toujours sur le 107.0, vous êtes toujours sur Radio Gamozo. On vient de vous laisser là avec une petite chanson d'amour. Une chanson donc d'un groupe qui s'appelle Les Enfants des Ténèbres avec le titre Prince Charmant. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu et on espère que vous êtes toujours connectés sur le 107.0 puisque c'est la seule fréquence qui vient pour casser des nuques. Enfoiré. On reste toujours connecté, on a encore quelques instants à profiter, n'est-ce pas, tous ensemble, mon petit Drex. Moi je me casse là, c'est bon. Ah, tu te casses ? 2253 auditeurs. Mais c'est énorme, c'est énorme. Drex, est-ce que en attendant. Moi je serais un petit peu chaud là quand même pour terminer en beauté sur une. Et faire un petit big up à Teddy en rappant sur une de ses prods. Ah, c'est pas une mauvaise idée ça, c'est pas une mauvaise idée. Et ah bah là de toute façon c'est sans filet hein. Ah bah toujours sans filet. Alors je sais pas Drex, toi tu Je sais pas, tu peux nous balancer AOK ou Ah nanana. Ok, alors sachant attends. Sachant que Teddy appelle ses prods de la même façon que j'appelle mes prods, de c'est... manière complètement irrationnelle. Irrationnelle. Ah, donc tu veux dire que ça risque de peut-être être compliqué alors? Ouais, ça veut juste dire tout que est relatif. C'est dur de mémoriser tous les titres parce que c'est souvent des lourd 1, lourd 2, ouais. Lourd 3. Azerty 1, Azerty 2, Azerty 3. Basse fantastique. Il semblerait qu'on ait un souci technique indépendant de notre volonté, malheureusement. Okay, le temps passe, Drex. Et beaucoup de choses ont changé. Bah oui, j'en ai bien peur. Donc, moi, je pense que, messieurs, dames, on va vous laisser. On va vous laisser, messieurs, dames, en musique, si vous le voulez bien, dans quelques instants. On a été ravis de partager cette émission avec vous, en tout cas. On a été ravis de partager ces quelques instants, toujours sur notre radio et station préférée. Et on a été... lourd. Toujours lourd. Lourd, ça, sans filet, lourd. On a été ravis de passer ce petit instant avec vous. On se retrouve le mois prochain, messieurs, dames, puisque vous êtes toujours sur la Big Antenne. On va vous laisser avec un morceau de Billy Joe qui nous vient du label Neochrome, qu'on apprécie. Neochrome, c'est la petite maison de la tuerie. On se retrouve le mois prochain. Restez connectés, restez avec nous, puisque vous êtes toujours, bien sûr, sur la Big Antenne. Début octobre. Ah, attendez, j'ai un problème de... Qu'est-ce que c'est que... Si, c'est celle-là. Si. Voilà. On reste connectés. On se retrouve la semaine prochaine. Gros big up à vous. Et restez connectés. Stay the same. On se retrouve la Big Antenne. Sorti de ma tanière avec une hache rouillée. Y'a qu'une bastos dans le dos qui va m'agenouiller. J'ai passé plus 10 ans à rouler sur le respect. Ils pensaient m'effacer de là où je voulais rester. Crevez tous, crâne ouvert près d'un gros V12. Venez tous, yeux rougis par des joints de vaudou. Eux ils tous ça fume dans le calibre 12. Qualité c'est sûr faut l'annoncer. Calibré faudrait déjà l'amorcer. Une rafale dans ta tête amochée. S'ils viennent à plusieurs on tente le ricochet. Donne ma vie pour Rico, pour LS. Dans pourri bourré comme à l'hôtel. Temporé j'attends juste commentaire. J'suis en golf pas loin d'une paire de fesses. J'nique ton golf 4, golf de Thomas. Explique dans le coltard ou ta paire de Nike vise le contrat. On a trop la dalle, le white trash et contraste. Connasse, suce mon chagrin toute la semaine. Mon cœur lui chavire sous ta semelle. Mâle et femelle pour une heure, après ça elles font mal à la tête. Pétasse, elle était belle, elle suce à Leclerc. Des billes de vipère, tout est permis, j'ai tout du père. Elles viennent pas de toi, elles viennent du père. Salope, j'vise la vulgarité. Tu ressentiras le volupté. J'vais vous tuer dans le volume 2. LPM DLT. LPM DLT. LPM DLT. LPM DLT. LPM DLT. Connasse, connasse, connasse. Ils veulent nous imiter. Connasse, connasse, connasse. J'encule la célébrité. Connasse, connasse, connasse. Bouchou 100% redneck. Connasse, connasse, connasse. Les autres ne sont que de merde. J'suis pas sûr ton amitié fils de pute. Un servide et des bois j'suis en rut. Y'a ta cervelle vidée sur la route. Je leur mettrai peut-être une balle dans le doute. Back in the hood, ma bite par bluetooth. Black et les tous, fils de putain de riche. J'les vois rapper comme je chie. J'me souviens plus trop de ton ex. Mais je sais qu'elle se rappelle du brochi. Ah ok c'est donc ça la street. J'vois que ce pays des sortes passe en brushing. J'vais m'approcher du rap français. Voir vos projets dans le shot foncé. J'ai toujours connu l'échec. Il est temps de m'en détacher. Il est temps que ta fiole soit désapée. Je vous prépare de la pure essence des cachets. Y'a de la weed planquée dans le paquet de cachets. J'suis fâché contre la vie, j'viens de la clasher. Connasse, LPM DLT. LPM DLT. LPM DLT. LPM DLT. Ah, Billy, Billy Joe. Néo, néo crime. Néo, néo chrome. La petite maison de la tuerie. Bijou, bijou. Mister Batou. C'est nous. Bichou, bichou. C'est Mister Batou. La big antenne. Jinx on me again. You gotta jump back, jump back. Heepa-jeepa, gotta get back, get back. Heepa-jeepa,